Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, chers amis, nous nous retrouvons pour la saison numéro 2, épisode numéro 2 de Démocratie Participative. Je suis très heureux de vous retrouver et avec moi tous nos intervenants que vous connaissez probablement pour les plus fidèles. Je vous invite sans plus tarder à nous suivre sur notre chaîne YouTube Démocratie Participative. Abonnez-vous, vous recevrez les alertes. De la même façon sur Facebook, vous recevrez nos dernières vidéos. Vous pouvez nous contacter également sur email à démocratie participative en un seul mot. Il n'y a pas de tiret entre démocratie et participative, pas d'accent non plus sur démocratie, @mail.ru, démocratie participative, @mail.ru, pardonnez-moi. Écrivez-nous si vous voulez nous communiquer une information, quelle qu'elle soit. Avant de passer à l'émission en elle-même, on va tout de suite présenter nos participants. Fred dans l'évier, Frédéric dans l'évier, comment ça va Fred? Semaine dense, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah bah écoute, comme d'habitude, beaucoup de régimes paléo, beaucoup de fonte, toujours en pointe pour lutter contre la société de caste. Et pour ceux qui se poseraient la question cette semaine, je tiens à préciser que nous ne sommes plus en collaboration avec thekikestuff.biz. Voilà, il fallait le dire. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi. Effectivement, on n'est plus en collaboration avec thekikestuff. C'est la chose est dite. J'ai vu Fred, d'ailleurs, cette semaine, que tu as répudié le racisme et le racialisme. Hein. Tu as franchi une nouvelle étape dans l'éveil, j'ai envie de dire. Ben, je veux dire, il faut que le nationalisme reste un petit peu ouvert, hein. Il y a toujours des cas particuliers, il peut y avoir évidemment des juifs plutôt sympathiques, des bougnoules et des nègres quand même qui ont fait des choses, alors il faut rester ouvert, il faut savoir voilà, ne pas refuser l'autre, bon, c'est juste une question de, comment dire, d'en sortir par le haut, comme diraient certains. Par contre, c'est quand même bienvenu de chasser les blancs rageux. Oui, ça c'est vrai que ça pose problème. Alors s'il y a des blancs qui sont pas contents, qui se posent des questions, qui demandent des comptes, hein, voilà, faudrait pas qu'ils soient trop enfermés dans des, comme on dit, des spirales de pureté, ça serait dommage. Donc ceux-là, on s'en débarrasse, on les fait passer un peu sous le tapis, voilà, on veut pas trop les entendre. Voilà, bon, le ménage est fait, le message est passé. Poporovitch, salut Poporovitch, comment ça va? Ça gaze? Shalom alaikum à tous, ouais, ça gaze, Donald Trump a été officialisé 45e président des États-Unis, donc ça fait zizir, voilà. Nickel, Povo. Capitaliste, salut capitaliste. Toujours capitaliste? Ah bah là, plus que jamais, la grosse victoire idéologique hier, là, comme Poporo... Ah ouais? Ça faisait tellement de temps que... Enfin, voilà quoi. Que du bonheur, quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas gagné quelque part, tu vois. Depuis... Allez, quelqu'un a une date en tête? Ça fait... Je sais pas. 45? Ouais. Non, on a perdu. Ouais. Bah là, c'était... Là, la victoire, c'était le 20 janvier. La dernière, c'était le 30 janvier. Quel mois fastueux, n'est-il pas? Fulbert. Oui, bonjour à tous. Bah, Fulbert, il va pas désavouer le fait que le mois de janvier est un mois faste, traditionnellement. Absolument, absolument. Surtout pour ce 30 janvier qui vient d'être cité. Oui, c'est vrai. En plus, avec l'arrivée de Trump, je suis content. Ouais, moi aussi, ouais, on peut le dire, clairement. Alors, avant de passer à nos... Avant de passer au reste, ouais. Déjà, t'as oublié Derek. Ah oui, autant pour moi, bah oui, mais comme il était intervenu, il était pas intervenu. Putain, il était pas intervenu, Derek ? Oui, mais bon, je suis intervenu au milieu comme ça, quoi. C'est notre police politique à nous, il veille, alors je fais même plus attention à notre police secrète. Alors bon, Derek, salut Derek. Est-ce que tu vas bien, Derek ? Oui, Oui, mais attention, je dois te reprendre, parce que tu dis bonjour à tous, ça se discute quand même. Hein. Oui, bah bonjour au blanc. Bonjour au blanc. Voilà, déjà c'est une bonne petite discrimination, un bon petit Positive, une sous-ensemble. discrimination positive. Voilà, tout à fait. Est-ce que avant de commencer, on pourrait juste faire un petit tour de table vite fait pour savoir, j'aimerais savoir, juste pour rassurer nos auditeurs, est-ce que quelqu'un ici est marié à une juive? Est-ce qu'on peut le savoir? Derek, toi par exemple, non, ça va? Ah Comment ça se non, moi, passe? non, rien de, pas de cadavre D'accord, donc pas de problème. Fulbert, tu nous caches pas quelque chose dans ta chambre à gaz, on sait pas. Non, certainement pas, ma chatte peut-être, je D'accord, vais poser la question. personne d'autre n'a des aveux à nous faire. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui nous cache Anne Frank dans sa cave, on ne sait pas. Hein. Moi, je suis précautionneux maintenant. Voilà. Ma femme est un quart juive, mais ça compte pas vraiment. Bon, d'accord. Bon, on va considérer que l'affaire est réglée. J'espère que ceux qui n'ont pas pris la parole n'ont pas quelque chose à nous cacher. Alors, chers amis, bon, non mais bon, envoyez vos dossiers avec vos tests ADN, on verra bien. Comment dire? Oui, alors on revient sur les commentaires de la vidéo de la semaine dernière, enfin, de l'émission de la semaine dernière. Alors évidemment, vous êtes très nombreux à commenter. On vous invite à commenter d'ailleurs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, etc. N'hésitez pas à nous faire part de ce que, je sais pas, éventuellement de manquements qui vous paraîtraient devoir être. Enfin, on devrait pallier à certains manquements. En tout cas, vous avez commenté sur Marine Le Pen. Marine Le Pen, une critique qu'on a formulée, je pense, assez correctement. En tout cas, elle était articulée. Et là, je cite deux commentaires, parce que évidemment, je ne peux pas reprendre tous les commentaires qui ont été faits, c'est très clair. Premier commentaire, arrêtez de taper sur Marine Le Pen, s'il vous plaît, ce n'est pas dans votre intérêt ni du nôtre. Ça, c'est le premier commentaire. À quoi jouez-vous? Pourquoi critiquer Marine Le Pen comme cela? Même s'il faudrait virer certains cadres du FN, là on est d'accord, critiquer Marine Le Pen comme ça, c'est faire le jeu de l'ennemi. C'est la critique la plus, on va dire, la plus. Celle qui a le plus de portée. Donc je me suis dit, bon, on va la soumettre à nos intervenants. Quelqu'un veut-il réagir là-dessus? Ouais, juste déjà du point de vue, allez, on va dire des mecs qui soutiennent Marine Le Pen, est-ce que Marine Le Pen a envie d'être soutenue par des méchants racistes? Voilà. Posez-vous la question en Non, écrivant clairement ce genre non, de mais clairement commentaire. pas. Donc Clairement pas, bon, non. je vois pas ce que ça, je vois pas en quoi Oui, on lui cause du tort, en quoi on c'est-à-dire. pourrait lui Ouais. causer du tort quoi. C'est même qu'on soit pas d'accord avec elle, bah, limite, à mon avis, Non, je peux mais plus que plus il content. faut être pragmatique. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, parce qu'on a beaucoup parlé de la dédiabolisation, des efforts qu'a fait Marine Le Pen pour faire avancer la ligne du Front National, pour réconcilier, etc., etc., hein, pour présenter un visage plus acceptable pour la masse française. Moi, je me pose la question, parce qu'il faut voir quels sont les résultats. Est-ce que Marine Le Pen a réellement obtenu depuis donc tous ces changements au Front National de meilleurs résultats que son père? C'est très discutable. Alors qu'aujourd'hui, tous les événements donnent raison aux thèses d'ailleurs de l'ancien Front National, qu'on a l'invasion migratoire, etc., etc. Est-ce que Marine Le Pen fait réellement mieux que son père? Moi, j'ai l'impression que non. Et deuxièmement, à part voilà, la seule réelle victoire que je vois de Marine Le Pen, si on peut appeler ça une victoire, c'est d'avoir réussi à légitimer l'homosexualité à l'extrême droite. C'est pas faux. C'est un peu dur quand même. Il y a eu quelques villes qui ont été gagnées par le Front National. Et puis, moi, j'ai quand même en tête que si le gouvernement. combien? Non mais combien? Quelques-unes, effectivement, c'est pas beaucoup. Mais attendez, attendez, si le gouvernement n'avait pas modifié le scrutin des régions, c'est ça, bien le Front National en aurait gagné une. Il y a Ouais, aussi eu du bouh, ils bidule sont méchants, électoral. quoi. Non mais voilà, donc en gros. Si le Front National n'avait pas d'ennemis, la stratégie de Marine Le Pen aurait été intelligente. Voilà. Sauf qu'en fait, il a des ennemis qui sont installés, qui font ce qu'il faut pour que ça ne marche pas. Et c'est quelque chose de totalement prévisible, quoi. Je veux dire, on peut s'attendre à ce que les pouvoirs publics fasse ce qu'il faut pour arnaquer les électeurs du Front National. Je veux dire, c'est totalement prévisible. Donc, est-ce que les manœuvres, les calculs électoraux, aussi malins qu'ils puissent sembler au départ, est-ce que les calculs électoraux sont pas de toute façon voués à l'échec? Et est-ce que la seule stratégie valable pour un parti d'opposition de droite nationale, ça n'est pas tout simplement, j'ai envie de dire la vérité, hein, même si c'est galvaudé, mais d'être honnête sur certains principes, sur certains sujets, etc., etc. Parce que les calculs électoraux, ben, on voit le résultat que ça donne, c'est-à-dire que le système en face fait ce qu'il a à faire au niveau législatif, etc., pour saboter les progrès du parti. Et c'était pas quelque chose de... C'est pas nouveau, quoi. Ça fait combien de fois que le Front National se fait couillonner par des manœuvres au niveau du comment dire, de... Voilà, comment on appelle ça, la proportionnelle ou pas, ou autre chose. Non, mais le tripatouillage électoral, c'est la procédure standard. Hein. C'est ça qui est magnifique avec la démocratie française. C'est que tous les partis de gouvernement, une fois qu'ils arrivent aux responsabilités, comme on le dit, trafiquent les procédures électorales et donc procèdent à un hold-up. C'est tout à fait évident. Moi, ce que je veux dire sur le sujet, c'est qu'en fait, on anime une émission et l'idée, c'est simplement de brasser des idées, de toucher des gens, de les inviter à revoir certaines de leurs conceptions ou certaines de leurs convictions, de s'interroger en fait, c'est de changer le statu quo. Donc notre idée, c'est pas de tapiner pour un parti, je veux dire, moi le Front National, l'UMP, j'en ai rien à foutre, honnêtement, ça ne m'intéresse pas, c'est de l'épicerie fine, ce n'est pas ce qu'on fait ici. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on touche directement les gens, on leur dit ce qu'on pense, ça leur plaît, ça leur plaît pas, c'est autre chose, mais on leur dit ce qu'on pense. Donc on fait un travail... Je vais pas dire un travail de vérité, mais en tout cas, on dit ce qu'on pense. Et de sincérité. Au moins, je peux le dire, ça. On fait un travail de sincérité. Après, les boutiques politiciennes font ce qu'elles veulent, peuvent dire ce qu'elles veulent, peuvent prétendre ce qu'elles veulent, et une fois qu'elles seront au pouvoir, et c'est vrai pour le Front National, bah, elles démontreront si on avait tort d'être sceptique ou critique, ou pas. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Nous, notre job, c'est de toucher les gens sans filtre, et ensuite à eux d'ailleurs de dire ouais, j'ai entendu ça mais c'est faux, ou j'ai entendu ça et c'est vrai. Voilà, nous c'est ce qu'on fait, et c'est pas un boulot effectivement de comment dirais-je, de clientélisme politique. On est dans des univers complètement différents. Oui, on n'est pas le département relations publiques du FN. Voilà, on n'est pas là pour servir la soupe, hein, clairement, mais pour aucun parti, pour aucun groupuscule, pour personne. Ah ouais. Personne. Voilà. Voilà, donc j'espère que ceux qui ont critiqué, et c'est leur droit de nous critiquer ou de nous poser des questions sur le sujet, auront eu une réponse. Ensuite, bah, ils en penseront ce qu'ils voudront. Bon, rubrique numéro 1, chers amis. Il y a de la matière, c'est le moins qu'on puisse dire. Autisme radical, hein, notre rubrique fétiche. Seine-Saint-Denis, l'épilation des sourcils interdite car illicite en islam et cause de cancer du sein. Alors ça, c'est un extrait d'un reportage de la télévision publique, me semble-t-il, mais quelqu'un me corrigera peut-être, c'est peut-être une autre chaîne. En fait, c'est une caméra cachée en Seine-Saint-Denis où l'équipe de télévision se glisse dans des salons de beauté. Et on pose la question, est-ce que je peux me faire épiler les sourcils, etc. Et on leur répond, effectivement, cette chose absolument incroyable, non, on ne peut pas vous épiler, parce que si vous épilez les sourcils, ça va vous donner le cancer du sein, parce que le sang va s'accumuler dans les parties mammaires de la femme. J'ai été complètement scotché devant ma télévision, je me suis dit, c'est pas une escroquerie, c'est pas un mensonge, non, c'est pas un reportage islamophobe. C'est la vérité, les musulmans croient véritablement à ce truc. On ne va pas y passer 1000 ans, mais quelqu'un veut réagir là-dessus, sur les miracles cachés de l'islam, peut-être. Derek, allez, vas-y. Je veux t'entendre sur ça, sur ce truc. Alors, moi, ce qui me choque aussi, c'est déjà le truc épilation des sourcils. Je ne sais pas si de ton côté, tu as déjà vu ça, ou peut-être nos auditeurs, ces espèces de créatures horribles que sont les négresses, avec les sourcils totalement épilés, avec une espèce de trait, tu sais. Trait de crayon. Ouais, un trait de crayon, c'est le logo Nike, mais à l'envers, tu vois, et puis tu es là de chaque côté, de symétrique de chaque côté des yeux. Faut le voir, quoi, une fois, et puis après, quand tu le vois plus d'une fois, après ça commence à te donner envie de gerber. Mais ouais, c'est déjà ça, c'est choquant. Après, bon, oui, les miracles du Coran et compagnie, s'épiler les sourcils. Il y a les djinns aussi, il y a les djinns. Mais les gars, c'est-à-dire quand on croit aux vertus curatives de l'urine de chameau, après, hein, je veux dire. Voilà. Voilà, donc il faut savoir. Tout est permis, tout est ouvert, quoi, je veux dire. Dans Open l'islam, bar, les mecs. Il y a une grande partie, une grande. École de pensée, on va appeler ça comme ça, qui traite donc des remèdes miraculeux du Coran, hein, qui guérit toutes sortes de choses. Donc, voilà, la médecine prophétique. Voilà, donc ça c'est encore c'est les prophétiques, c'est rapport avec leur prophète en particulier. Bah ouais, non mais il a des techniques. Non mais pourquoi je parle de ça, c'est parce que l'histoire de boire de l'urine de chamel, c'est une vieille ficelle de Mahomet. Ah oui oui. Ah oui, mais ça oui, tout à fait. Oui. Alors c'est emmerdant parce que évidemment, quand t'es au Danemark, c'est chiant parce que comment tu fais pour trouver de l'urine de chamel pour survivre? C'est pas expliqué. Bah, il va falloir créer des fermes d'élevage de chameaux halal, voilà. J'imagine. Hein, donc ça crée. Non, mais ça peut créer des emplois. Hein, attention, faut pas rigoler. Oui, ça peut en détruire d'autres aussi en même temps. Hein, donc c'était où, en Saint-Denis, c'est ça, enfin, oui, Saint-Denis qui porte bien son nom. C'est-à-dire qu'une terre éminemment islamique, visiblement. Alors, je sais pas d'où sort le reportage. Je sais qu'il y a eu un reportage dimanche dernier, ben, encore de l'ami de la Villardière. En Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis en particulier, sur les ordures communistes, ça a peut-être tiré de là, mais voilà. Oui, c'était enquête exclusive. Hein. Voilà, enquête exclusive. Ouais, c'est ça. Non, dernière. Mais le truc là, c'est que. Comment dire? Là, c'est plus du reportage, c'est de l'ethnographie le truc là. C'est-à-dire que maintenant, tu fais 5 km depuis le centre de Paris, c'est bon, t'es en Afrique, ouais. Il y a des coutumes, tu vois, c'est ça, c'est-à-dire tu prends le ticket, tu es dans ta voiture, puis on te dit de pas ouvrir les fenêtres, et puis t'es là avec ta GoPro, tu filmes la faune locale. Voilà, c'est ça. Mais moi j'ai toujours dit, moi je voulais le faire ce truc-là, me foutre le chapeau, tu sais, le chapeau du colonial sur la tronche, tu vois, et partir en banlieue, tu vois, et prendre des photos. Ça, je voulais le faire, ça. Bon. Pour ceux qui ont loupé le reportage, hein, allez-y, hein, vous tapez enquête exclusive de l'autre côté du périph Saint-Denis, et puis vous voyez les derniers Français d'ailleurs, hein, qui se retrouvent pour manger du saucisson dans le dernier bar où ils ont encore le droit de boire de l'alcool. En fait, ils se retrouvent comme les musulmans dans les caves pour prier, tu vois, genre, mais il y a 40 ans en arrière, quoi, en fait, tu vois. Ils se retrouvent entre eux pour bouffer du saucisson, mon Dieu. C'est fabuleux. Alors, bon, bah, les cancers du sein, attention, hein, vous épilez pas trop, mesdames. Les sourcils, ça donne le cancer du sein. C'est Mahamet qui le dit. Oui, de toute manière, si vous épilez les sourcils, vous êtes des sales négresses. Ça dépend, enfin. Les femmes peuvent s'épiler les sourcils, hein, quand même. Oh, ouais, non, mais. Mais pas complètement. Ah oui, bah, ça, oui, d'accord, je veux bien, ok. Voilà, c'est normal. Ouais. Mais non, mais à mon avis, le truc des remèdes là, coraniques et compagnie, ça doit être pour les négresses. Quoi. Ils doivent se dire, putain, c'est quoi ces monstres? Ils ont dû sortir un truc du Coran comme ça. Quoi. Ouf, je sais pas, ça m'inspire rien. D'accord, bon. Suède. Non, continuons, hein. 68 ans, elle épouse un artiste ougandais par amour. Il s'enfuit une fois arrivé en Europe. Qui le joue, messieurs? Ah oui, non, mais là. Oh, mais... quelle surprise! Mais vous êtes des racistes, vous comprenez rien. Alors, je lis l'article. Donc, c'est beau, hein. L'artiste Guvnor Ace, 26 ans, avait assuré en Ouganda qu'il était follement amoureux d'une femme suédoise de 68 ans qu'il avait épousée. Mais quand le couple est venu s'installer en Suède, il l'a quitté pour demander l'asile en Norvège. L'asile, hein. Le magazine Buzz Ouganda a indiqué que le mariage entre l'homme africain de 26 ans et la ressortissante suédoise de 40 ans de plus que lui avait eu lieu à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Donc l'article poursuit. L'artiste a même réalisé deux chansons dans lesquelles il confesse son amour sans limite. Mais après avoir emmené l'Africain en Suède, la femme a rapidement réalisé qu'il avait d'autres projets que celui de passer sa vie avec elle. Il a donc préparé sa rupture, ce qu'il a fait, et est allé demander l'asile en Norvège pour marier une jeune femme ougandaise à la place. Alors, la victime, donc, comment dirais-je, la septuagénaire, indique que notre ami ougandais l'a invité à aller faire les courses et que quand elle est revenue à la maison, son prince charmant avait quitté pour la Norvège. Alors, on va pas y passer 1000 ans non plus, mais qu'est-ce que vous pensez de ces mariages d'amour entre des vieilles peaux babas qui cherchent du basané pour leur, comment dirais-je, pour leur rappeler leurs souvenirs de jeunesse. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce truc-là? Bah, comme à chaque fois, personne n'aurait pu le prévoir, quoi. Tout le monde est tombé des nues en apprenant la nouvelle. Qui aurait cru? Ouais, personne. C'est absolument imprévisible, donc voilà. Moi, ça me rappelle le syndrome de toutes ces vieilles gauchistes dégueulasses qui animent des associations pro-migrants. Mais vraiment, quoi. Je pense que le carburant numéro un de ces associations-là et de ces vieilles peaux communistes-là, c'est la soif de verges africaines, quoi. Elles ont envie de se faire ramener par des purées de singes. Oui. Bah, c'est... Ça semble... Mais vraiment, mais là, on a un exemple concret. Là, on a un exemple concret, c'est pas du baratin, c'est... Voilà. Oui, disons qu'en plus, là, c'est encore une fois en Suède, bon... Il y avait le syndrome de Stockholm pour les otages. Comment dirais-je... Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il est parti vers la Norvège, malheureusement, vous imaginez quoi, la Norvège, mais pour épouser une Ougandaise. Donc il y a une fidélité tribale entre eux qui est assez intéressante à observer. Et il n'est pas parti à l'aventure, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à la limite, c'est presque respectable, quoi. Non, c'est pas respectable, non. Bah si. Bah écoute, quand même, il n'est pas allé engrosser une blanche, quoi, excuse-moi. Non, mais ça viendra. Mais d'abord, il faut épouser l'Ougandaise avant d'engrosser une blanche. Je sais pas. Enfin, en tout cas, les photographies de la bête sont assez impressionnantes. Très court, trapu, velu, moche, clairement. C'est bon. Bah, c'est les gabarits qu'ils ont hein, dans ce pays-là, l'Ouganda. C'est donc est de l'Afrique, enfin, centre-est de l'Afrique. Voilà, c'est un petit bon, c'est pas les pygmées, mais ben c'est le pays d'Amin Dada, je crois, hein, Ouganda, il me semble. Ouais, aimait beaucoup Adolf Hitler, Amin Dada. Ouais, mais il aimait beaucoup bouffer des gens aussi. Moi, je suis pour l'enracinement et le respect des identités. Je ne me prononce pas sur. Comme Alexandre Dugin, exactement. Exactement, je n'ai rien à dire, voilà. Putain, et je viens de voir le mec là, le Guvnor Ace, il avait quand même mis sa grosse vieille là dans ses clips. C'est-à-dire, tu peux voir, et je vous invite, hein, allez voir, vous tapez, alors Guvnor, G-U-V-N-O-R, Ace A-C-E, plus loin, et vous regardez les clips sur YouTube, et le mec, il a mis sa grosse septuagénaire comme ça en train de danser sur de la musique africaine et tout, c'est hallucinant quoi. Enfin bref, régalez-vous, c'est magnifique. Avec quand même des textes écrits par lui-même, d'amour. Bah, bien sûr. Oh mon Dieu. Enfin, bon. Fait des bruits, quoi, des bruits. Des borborigmes. Ok. Bon, allez. Mon Dieu. Passons à la rubrique numéro 2. Bon, là, c'est... Bon, évidemment, c'est la rubrique un petit peu fun, mais là, on y va... sur la rubrique suivante, qui est plus politique. La rubrique numéro 2, élection... que j'ai osé baptiser pestilentielle. Et vous allez comprendre pourquoi. Bah, d'abord parce que les élections présidentielles sont dégueulasses, vu ceux qui concourent, autant pour moi. Valls giflé à Lamballe, en Bretagne, par un jeune indépendantiste breton, mais qui est un fan d'Alain Soral, de Dieudonné, qui aime le shit et les rappeurs nègres. Si ça peut servir à gifler Manuel Valls quelque part, autant voilà. Toi tu l'aimes pas Manuel Valls hein. Non mais il a une sale gueule ce type. Ouais, il est presque humain quoi. En fait, comment dire? Parce que bon, il faut rappeler le contexte. Donc Manuel Valls est en campagne dans le cadre de la primaire du Parti socialiste, qui est une foirade gigantesque. Parce qu'en fait, il y a en gros Manuel Valls, Montebourg et Hamon, qui sont juste des chevaux de retour archi connus et complètement bidons. À côté de ça, on a Mélenchon, et de l'autre côté, on a Macron. Donc autant dire qu'à gauche, il se passe absolument rien. Et sur ces entrefaites, Valls, qui essaye d'exister tant bien que mal, se prend une gifle par un mec de 18 ans, ce qui a fait un buzz énorme. C'était gigantesque. Le buzz qu'il a fait, c'est énorme. Et Valls se fait gifler, et dans la foulée, sur enfin, la radio, le lendemain, et là, en termes de communication, c'est un désastre. Il y a un intervenant, enfin un Français de base, hein, je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui a contacté la radio sur laquelle intervenait Manuel Valls et qui a dit ce qu'il pensait. Il a dit: on est juste 66 millions à vouloir te mettre une gifle, Manuel. En gros, hein, il était très condescendant. Il a dit: voilà, Manu, ça fait juste 5 ans qu'on a envie de te foutre une paire de gifles dans la gueule parce que, avec ta sale face de métèque, plus ou moins espingouin et ton arrogance, ça faisait tellement longtemps que ça nous démangeait. Voilà, il y a Je enfin pense un pas mec qu'il ait qui dit te l'a comme collé. ça, quand même. Il n'a pas dit comme ça, Non, non, non, mais c'était tellement sous-entendu parce que, je veux dire, moi, quand je lis les gens, ils disent, en gros, l'espagnol, on n'en peut plus. Ce quoi. qui Ouais, devrait te bah faire plaisir, ce qui devrait te faire plaisir. ah, bah oui. Bah, parfaitement. Qu'est-ce que vous avez pensé quand même de ces images d'un Manuel Valls qui arrive sûr de lui et dominateur et puis qui finalement se fait un petit peu humilier par un jeune étudiant, plus ou moins. Derrick, qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a semblé effectivement. Bon, c'était sympathique déjà, mais c'est surtout le fait que, parfois, même dans les médias, tu sais, les posts sur Facebook des grands médias, ils prenaient ça à la rigolade, quoi, tu vois. C'est Valls, l'ancien Premier ministre, ministre de l'Intérieur, hein, au début du quinquennat. Le type se fait gifler, et même les médias se marrent, quoi. Donc, niveau sérieux du Valls, de ses chances d'être président, bon, Ouais, lol, ouais, lol, ça se effectivement. réduit comme peau de chagrin de jour en jour. Alors, je précise pour ceux qui nous écoutent qu'en fait, Astérix nous a rejoints. Alors, Astérix, puisque tu es avec nous, tu nous as rejoints, je suis content de t'avoir avec nous. La gifle de Manuel Valls, je pense que tu l'attendais depuis un moment. Ah bah je pense qu'elle nous a fait bien plaisir à tous. Moi ce que j'ai trouvé marrant, c'est le décalage entre la dégaine du mec qui a l'air un peu d'un fumeur de joint, ouais, je dirais pas un hippie, mais bon, un brave mec, un brave traîne savate, quoi. Mais brave, là, pour le coup, il a prouvé qu'il était brave, quoi. Et puis qu'il soit breton, j'ai trouvé ça marrant aussi, hein. Le Pen, et puis on en connaît d'autres, des bretons à forte tête. C'est assez marrant, cette région produit vraiment le pire et le meilleur. Oui, une grosse capacité à produire de la chiasse et des gens intelligents. Ah, Curieux, puis hein, quand même. courageux, courageux des... Non, mais c'est vrai que c'est. En fait, il y a des gens qui ont focalisé et tout. D'ailleurs, enfin, les journalistes ont fait un boulot de merde parce qu'ils se sont juste intéressés à sa page Facebook parce qu'il n'y a pas tellement d'informations. Et ils ont vu que le type aimait différents trucs et tout. Mais il a 18 ans, le gamin. Il a 18 ans, il aime des rappeurs nègres. Il aime le cannabis, etc. Mais le gamin, il a 18 ans, c'est le fruit de la société, etc. Faut pas être trop méchant. Mais il s'est quand même dit, ouais, ce mec est une crapule et je vais lui foutre une gifle. Et sur le moment, c'est un coup d'audace que peu auraient eu, même il y a 10 ans, enfin il y a 10 ans ou 20 ans en arrière, gifler un Premier ministre. C'était pas standard, hein, c'était pas un truc normal, quoi. Ah, Et c'est maintenant. sidérant, c'est un geste qui va rester. Lui ne s'en rend sûrement pas compte. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup beaucoup rire son attitude, son espèce de flegme. Quand il se fait plaquer au sol, il ne pousse pas un cri, il n'en a rien à faire. On dirait en fait que il est vraiment porté par son geste. C'est-à-dire, à partir du moment où il a donné sa gifle à Valls, il y a une espèce il y a l'Esprit Saint qui vient le protéger de toute douleur, quoi, et d'un seul coup, il ne ressent plus rien, parce que le Golgoth, là, sous amphétamine, il l'a plaqué au sol comme un malade. N'importe qui aurait eu quand même un petit cri, une petite réaction. Lui, il n'y a rien, quoi. Il se fait plaquer, il ne bouge pas. On dirait vraiment que. Ouais, qu'il est, ça y est, il est dans un espèce de cocon. Non, c'était chouette. J'ai beaucoup aimé. Je pense qu'une fois que tu as mis ta claque à Vals, tu es serein, quoi. Je veux dire, tu es quand même content de toi. Et du coup, la conséquence de cette histoire. C'est que, bon, ils ont regardé sur son compte, alors ils se sont aperçus que c'était pas un mélanchoniste, hein, parce qu'évidemment, les critiques qui lui font le plus mal à Valls, c'est celles qui viennent de la gauche. Mais là, c'était pas le cas. Bon, apparemment, Soral, voilà. Et donc, ils ont dit extrême droite. Donc, il a porté plainte. Alors que, si je ne me trompe pas, le gars qui l'a enfariné à Strasbourg, il n'y a pas eu de plainte, hein, il me semble. Il a trouvé une pirouette en disant que oui, mais une gifle, c'est physique, c'est beaucoup plus violent que de la farine. Ouais, donc suivant si t'es d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ouais, mais sauf que le gamin, il a 18 ans, il n'est pas d'extrême droite, faut arrêter le char, quoi. Je veux dire, le gamin, il a dit qu'il appartenait à aucune organisation, ce qui a été avéré dans les médias, ils l'ont admis. Il avait juste envie de gifler Valls, et il y avait juste, comme a dit l'auditeur... le lendemain, à la radio, quand Valls est intervenu, il a dit « On est juste 66 millions à avoir envie de te gifler la gueule, espèce de roquet de merde. » C'est-à-dire, on se tape ce mec depuis des années, qui nous envoie ses CRS, ses gardes mobiles, qui nous fait ses coups de menton et qui monte sa sale gueule de teckel. T'as un branleur de 18 ans qui est mince comme un porte-manteau qui lui met une gifle, il est humilié et le mec ne s'en remet pas. Il est fini, ce sac à merde de Valls, et je m'en félicite. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Moi, je te dirais quand même de rester un peu ouvert d'esprit, hein, parce que c'est pas parce qu'il écoute du rap qu'il est de gauche ou pas d'extrême droite. Hein. À l'extrême droite aussi, on a des rappeurs. Bon, c'est de la merde, mais on a des rappeurs, attention. Hein. Moi, j'aime pas le rap, hein, j'aime tout de suite. Ah bon? Mais tous les goûts sont dans la nature, en vrai. Hein. Ouais, tous les goûts sont dans la nature, disait un moine pissant dans sa soupe. Ouais. Le rap a qu'un seul atout, c'est vraiment de la musique de merde au niveau de la musicalité, bon, c'est zéro, mais c'est dans une société ultra féminisée, le rap c'est quand même assez testostéroné, donc peut-être que le mec il a pensé à son morceau de rap préféré avant de mettre une gifle à Valls, quoi. C'est vrai que ça peut donner du courage, quoi. Moi, je sais que, bon, j'en ai écouté, j'en ai même fait du rap, mais j'aimais bien le matin pour me donner de l'énergie, mais me mettre un ou deux, soit du rap, soit de la musique électronique, quoi. Les aveux du sombre passé d'Astérix. Voilà. Honteux, honteux. Personne n'est parfait. Non, mais moi non plus, et je ne dirai pas tout. Rubrique numéro 3, rubrique féminine. J'ai envie d'y dire elle, la rubrique elle, messieurs. Ça, c'est pour toi, Porovitch. Je pense que là, tu as des choses à nous dire. C'est la gonzesse qui a littéralement branché un mec, enfin, qui a, non, bah, elle n'a pas branché un mec, un technicien d'Orange, mais elle a essayé de le faire virer de carrément de sa boîte, quoi. Alors, je lis l'article qui a fait état de cette affaire. C'était présent sur les réseaux sociaux. Alors, je cite le message. Rebonjour, c'est le technicien d'Orange. Juste pour vous dire que vous étiez très jolie et que vous avez un très beau sourire. Alors là, ceux qui nous écoutent vont se demander, mais de quoi il parle, Gandalf? Je continue, vous allez voir où je veux en venir. Tout a commencé par ce simple SMS que je viens de lire. Totalement innocent en apparence, si on fait abstraction du fait que le technicien en question, donc celui qui a écrit le message, a utilisé une information privée pour joindre la jeune femme, en l'occurrence son numéro de téléphone. Donc en fait, le message que je viens de lire, donc rebonjour, c'est le technicien d'Orange, juste pour vous dire que vous étiez très jolie et que vous avez un très beau sourire, c'est en fait un gars qui est venu dépanner une nana au domicile de la personne, et qui, après, a utilisé les coordonnées personnelles de cette fille pour lui dire, en fait, je vous ai trouvé très jolie, très mignonne, quoi. Et c'est parti complètement dans tous les sens. Je poursuis l'article. Suite à la réception de ce SMS, plutôt flatteur en apparence, elle a alors aussitôt contacté le service réclamation Orange qui lui a assuré que le nécessaire serait fait. Elle a ensuite prévenu le technicien que son employeur était au courant. Le jeune homme s'est alors excusé par SMS avant de tenter de la joindre sur son portable, je présume aussi, pour demander des excuses. Enfin, pour présenter ses excuses. L'histoire aurait pu se terminer là si elle n'avait pas ensuite décidé de poster une capture d'écran du message sur son compte Twitter. Donc, c'est-à-dire que la nénette a ressenti le besoin d'expliquer le truc, quoi. Les réactions de ses followers n'ont pas tardé à se faire entendre et toutes n'étaient pas des plus positives. Un véritable lynchage en bonne et due forme qui reste, et là c'est l'article qui parle, malheureusement une pratique assez courante sur les réseaux sociaux et que la jeune femme n'hésite pas à qualifier de cyberharcèlement. Porovic, c'est toi que je veux entendre sur ce dossier. Bah, écoute, c'est une merde, enfin cette fille-là est une merde. Intégrale, j'imagine qu'elle a été biberonnée au féminisme et ce qui explique sa réaction complètement tordue qui consiste à dénoncer un pauvre gars qui lui a fait un pauvre compliment, quoi. Je sais pas, elle doit jouir un petit peu de son pouvoir d'écraser un pauvre mec qui a eu le malheur de lui dire qu'elle était jolie, quoi. Ouais, bah en fait, ouais, enfin, ce que j'aurais envie de dire, c'est que le type, il est puni pour avoir trouvé une fille moche, jolie, parce qu'elle est quand même moche comme un cul, hein, cette nénette. Bah, c'est-à-dire que si on regarde sa gueule, elle a un compte Twitter, bon, vous pouvez regarder les articles, il y a sa photo sur certains articles, sur le technicien d'Orange, là. Ça s'appelle Buffy, mais, je crois. Hein. Ouais, Buffy, ouais, et elle a un Twitter qui s'appelle Buffy, comme Buffy Mars, contre les vampires, hein. Buffy Mars, ouais, voilà. Et elle a vraiment... Bon, pour ceux qui sont pas... Ça demande du temps, de l'expérience, à un certain âge aussi, de vraiment commencer à reconnaître certaines caractéristiques morphologiques, de voir quelles idées sont associées avec quel visage, etc. Mais c'est totalement... Enfin, c'est vrai, hein, ça fonctionne. Et là, pour les gens qui ont un peu l'habitude de ça, elle a vraiment le prototype de la gueule de connasse féministe. Et ce sont des femmes qui jouissent en fait de casser des burnes aux petits blancs et de leur briser les couilles. Et là, effectivement, elle a eu l'occasion de piétiner les couilles d'un pauvre gars, effectivement, qui n'avait pas, de toute évidence, n'a pas l'habitude de voir, enfin, de se prendre des râteaux de ce genre de femmes. Donc, il n'a pas reconnu le type de personne à qui il avait affaire. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut travailler là-dessus, il faut affiner, visuellement, on peut s'apprendre à détecter le juif, n'est-ce pas, hein ? Eh bien, on peut s'apprendre aussi à détecter la connasse féministe, ce sont des capacités des bajoux, qui... Elle a des bajoux, ouais. Elle a des yeux globuleux, et tout. Non, c'est affreux, voilà, quoi. Là, au niveau type racial, d'après moi, c'est du slave, soit ukrainien, soit russe, ça tourne par là. Je sais pas, mais... Moi, ouais, ça serait étonnant, ça. Mais c'est dans les yeux, hein. C'est vraiment dans les yeux que ça, voilà. Se voit souvent. Elle a rien. Non mais, non mais là on touche à un sujet. C'est pour ça que je mets ça en avant. C'est-à-dire qu'on touche à un sujet essentiel. C'est le comportement des Françaises vis-à-vis des hommes. Alors, il y a des gens qui vont me sortir. Oui, mais dans tel pays. Bon, moi je m'en fous. Je veux parler de la France, du comportement des Françaises et du comportement de ce genre de filles-là. Je veux dire, il y a quelqu'un qui te fait un compliment, c'est pas une agression. Et cette gonzesse, elle le conçoit comme effectivement une agression, et elle décide, en réalité, de le faire virer de son boulot, en gros. C'est-à-dire, oh ouais, non mais attends, oula, de quelle façon tu te comportes ? Moi je vais te recadrer, et je vais exercer une pression sociale sur toi. C'est hallucinant, et quand tu vois le paquet... Avec sa tête d'espèce de elle a une tête de pomme de terre, cette gonzesse, quoi, avec ses yeux ronds. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je veux dire. Franchement, un truc comme ça. Moi, tu vois, en boîte de nuit. Alors, déjà, moi, je paye jamais un verre en boîte de nuit à aucune gonzesse parce que je veux pas en boîte de nuit pour écouter des gonzesses. J'ai autre chose à foutre. Mais alors, celle-là, je vais te dire, c'est elle qui me paye un verre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Voire même toute la bouteille parce que bon, voilà. Mais non, mais sans s'attendre sur son physique, c'est vrai qu'il n'était pas... Bon, voilà, hein. Enfin, je veux dire, faut vraiment être une merde quand même Je veux dire, t'as un garçon qui a quand même le courage d'aller faire un compliment, de faire le premier pas. Et sa réaction à elle, c'est de le casser socialement en s'en prenant à son travail. Oui, bah en publicisant c'est le truc. Vraiment, c'est vraiment de la merde. Elle fait ce que tu dis, mais c'est pas juste j'envoie un message à Orange, c'est-à-dire que je le mets sur Twitter. Humainement, je veux dire, faut être une merde pour réagir comme ça à un type qui te fait un compliment. Enfin, c'est le truc, c'est que là, on a affaire à une vampire d'attention, c'est-à-dire que des vampires d'attention, il y en a énormément. Hein. Chez les femmes, surtout, elles se nourrissent de ça, elles savent plus pourquoi elles vivent, vu qu'elles ne vivent plus pour avoir des enfants. Une femme qui ne vit plus pour avoir des enfants, elle est vraiment complètement paumée. Donc, elles vivent comme des espèces de vampires qui courent après le sang, sauf qu'elles, c'est de l'attention. Elles cherchent à exister à travers le regard des autres. Et cette grosse-là, cette grosse conne, elle peut pas exister par son intelligence, elle peut pas exister par sa gentillesse, par sa beauté. Donc, elle ne peut exister que par ses coups de pute, quoi, ses coups de crasse. Et elle sera. Il a de la chance qu'elle lui ait mis un râteau tout de suite, parce que ça aurait été encore pire si, par malheur, il avait réussi à la séduire. Parce que là, il se serait retrouvé avec la. Vaut mieux se prendre 3 ans de tôle que se prendre 30 ans de mariage avec une connasse pareille, quoi. C'est pas faux. Non, mais il y a le. Enfin, franchement, en France, et c'est symptomatique, en France, il y a le syndrome. Princesse, c'est-à-dire que la nénette, la dernière des clochardes, se prend pour Miss Monde. Mais vraiment, ça vient de quoi, ça ? Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je l'ai vécu tellement. Je l'ai tellement vécu directement, indirectement. C'est juste à vomir. La dernière des connasses se prend vraiment pour quelqu'un d'important qui peut. Excusez-moi, je veux dire, si un mec. Te parle bien, qu'il est gentil, qu'il t'adresse la parole, ça veut pas dire que... Et même si lui, il veut essayer de te séduire, très bien, t'es pas obligé de répondre en disant oui, super, non. Mais tu peux au moins être courtoise. Ça t'empêche pas, on est bien éduqués, on n'est pas des singes, on n'est pas des porcs. Aujourd'hui, t'as ce phénomène de rejet systématique et extrêmement brutal, comme si ces gonzesses avaient le choix. Et ensuite, tu les vois... se taper des nègres qui sont des tocards finis, ou bien alors, même pas uniquement des nègres, des paumés que tu as connus, que tu as vus, que tu de loin dans ton bled, t'as plus ou moins aperçu, qui sont des zéros finis, tu vois, et qui plus ou moins se mettent à la colle avec, lui font plus ou moins un gamin, etc. Et c'est une foirade magistrale. Et là, tu te dis, waouh, quoi. Non mais waouh, genre, ces gonzesses ont des standards, alors que quand tu les vois au quotidien, elles ont juste rien à aligner. Mais merde, lâchez-moi. Ça me fait penser à un cas, on n'en avait pas parlé ici, mais ça avait fait un buzz pas possible sur Internet, c'était, je crois, du site mademoiselle.com, une jeune féministe de 25 ans, que beaucoup d'internautes, c'est là qu'on voit que les internautes sont quand même assez paumés, parce que beaucoup d'internautes se branlaient devant, ils étaient là, elle est magnifique. C'était une typique, la parisienne typique, c'est-à-dire un teint blafard, enfin tout, moi je les connais par cœur, les parisiennes, je sais très bien que au petit matin, c'est à gerber toutes ces tripes, quoi. C'est-à-dire, elles peuvent paraître assez jolies le soir, tu les vois au petit matin, t'as l'impression d'être dans Resident Evil. Et cette fille-là, c'est exactement ça, elle s'appelle Marion Séclin. Et d'ailleurs, elle s'était pris, il y avait eu un clash entre elle et un autre, un youtubeur qui fait des podcasts, qui est jeune, qui s'appelle le Raptor Dissident. Et en fait, cette pute avait fait tout un podcast pour expliquer qu'on n'a pas le droit de parler aux filles dans la rue. Elle dit, parler aux filles dans la rue, c'est du harcèlement. Dire à une fille, t'es jolie dans la rue, c'est du harcèlement. Même dire bonjour à une fille, c'est du harcèlement. Ferme ta gueule, sale gros porc. Nous, on veut du noir, on veut du bougnoule. On s'en fout de ta gueule. On va te foutre en tôle, on va te couper les couilles. Et cette fille-là, c'est ce qu'elle disait en filigrane sur un podcast de 10 minutes. Elle s'est bien fait rentrer dans l'art par 2-3 mecs d'Internet, mais malheureusement, c'est les chaînes des mecs qui lui sont rentrés dans l'art qui ont été censurées. Et puis elle, avec sa saloperie ignoble, quoi, anti-reproduction, anti... Enfin, c'est vraiment fou de dire ça, quoi. Si on n'a plus le droit de sourire à une fille, de lui dire bonjour, de lui dire... Et enfin, elles sont complètement folles, ces malades mentales. Plus personne va aller les voir. Et je voulais parler de cette fille-là parce que ça représente bien cette mentalité de merde qui vient de Paris, là. Enfin, qui vient d'une mentalité de merde des féministes françaises, qui sont vraiment les pires féministes en Europe, je pense. D'autant qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été dit. Excusez-moi si j'ai mal suivi, mais je vois que cette Buffy Mars a un blog. Et elle se définit comme blogueuse, vidéaste, mais surtout féministe. C'est textuel. Mais c'est évident que c'est ça. Je veux dire, toute cette merde, ça vient du féminisme. Mais c'est la grande arnaque depuis quelques années. J'ai vu débarquer ça, c'est pas très vieux. On a assimilé toute forme de drague à de l'agression, comme dit Astérix. Alors voilà, aujourd'hui, vous dites bonjour à une femme, oui, c'est de l'agression. Surtout que enfin moi je suis sur son blog là. En fait, cette gonzesse, elle prend des photos d'elle, c'est des selfies et tout, elle ne demande que ça. Enfin, je veux dire, c'est ça. Pourquoi tu te mets en avant comme ça si elle prend des poses et tout? Genre, elle ne veut pas de l'attention de mecs qui viennent la chercher, etc. Oui, mon cul, hein. Bon. Donc, je suis une grosse pute, j'ai envie de montrer mon cul, mais surtout, n'allez pas regarder mon cul, quoi. Voilà. Exact, c'est énorme, c'est ridicule. Non, mais bon, c'est mais c'est pareil avec la mode, quand elles disent « oui, on a le droit de porter ce qu'on veut », mais arrêtez de nous charrier. Si vous portez une mini-jupe en plein hiver alors qu'il fait moins 6 dehors, c'est pas pour le plaisir de vous geler, la chatte, c'est parce que vous voulez attirer le regard des hommes, et c'est pour ça que vous vous habillez comme ça. Donc quand vous obtenez le résultat que vous escomptez et que ça finit mal, bah oui, il ne faut pas vous plaindre. Mais c'est tout le féminisme, c'est un énorme bullshit. Alors... C'est vraiment se casser les couilles aux petits blancs, parce que quand ils dénoncent la drague comme une agression, évidemment, ils ne parlent jamais de la drague lourde, de la drague agressive des maghrébins, essentiellement. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Il n'y a jamais un mot là-dessus. Parce que qui est-ce qui traite les filles de pute quand on leur répond pas? Le petit blanc à qui tu réponds pas, mademoiselle, il s'en va. Toi, la plupart du temps, il part. Celui qui te traite de pute, celui qui t'insulte, on sait très bien qui c'est le maghrébin. C'est les bougnoules. D'ailleurs, moi j'ai quand même une petite recommandation là, à tous les jeunes parisiens, enfin les jeunes français en fait, parce que malheureusement Paris a contaminé tout le reste de la France. Mais surtout les Parisiens et les jeunes d'Île-de-France, allez directement voir les belles filles. Vous serez très surpris, c'est souvent les belles filles qui sont les plus gentilles. Parce que justement, elles, les belles filles, elles ont de l'attention au quotidien. C'est-à-dire, elles voient très bien que tout le monde les regarde, tout le monde est gentil avec elles, tout le monde est souriant. Mais à cause de ces grosses connasses moches et féministes, personne n'ose aller les aborder. Parce qu'ils se disent déjà, les gros tons me mettent des vents. Donc si je vais voir cette beauté, j'imagine que je vais directement finir en garde à vue, quoi. Or c'est tout le contraire, parce que justement ces beautés que personne n'ose attaquer n'ont pas besoin d'attention supplémentaire. Donc quand elles ont des rapports beaucoup plus sains en réalité avec les hommes à qui elles ont affaire. Donc allez directement voir les canons, laissez tous ces laiderons crever, se bouffer le minou, laissez-les faire ce qu'elles veulent faire, de toute façon c'est terminé, quoi. Ce sont pas des femmes reproductrices, quoi. Vous pouvez bien le voir, de toute façon elles ont de la graisse qui est coincée dans l'utérus, ça pourra rien vous pondre, des filles comme ça. Donc allez directement voir les canons, faites-nous des belles portées de petits blancs, et puis laissez-les crever, quoi. Ah, intéressant ça. Alors, sans transition, et en même temps, ça fait le lien. J'ai vu ça. Alors, c'est pareil. C'est des femmes qui se sont crues plus intelligentes que la moyenne. Mais on va d'abord écouter un passage avant de pouvoir juger sur pièce. J'ai envie de métissage pour des hommes vrais et tous ceux qui ont la rage. Vas-y, laisse-les. Ouvre ton rivage à la différence qu'on aime. Pour des hommes vrais, pour des hommes vrais. See the people and I love them raga. When we party, we are party like no other. To the break, the dawn, we are jama. Taiwan, big arounds with this swagger. Alors, vous avez des envies de métissage pour les hommes vrais? Ça vous branche ou quoi? Ah bah moi je trouve que voilà, hein, elles sont assez claires, hein, je veux dire, c'est des métaphores très, voilà, c'est très poussé quoi, c'est ouvrir nos rivages, n'est-ce pas? Hein, on sent qu'il y a de l'allégorie dans l'air. Non, mais bon, c'est juste dégueulasse quoi. Il manque l'image, hein, parce que il faut voir, hein, t'en as une déjà qui a le thème un petit peu louche. Celle du milieu, Ouais. la blonde à dreadlocks, espèce de Ah crasseuse en pull. Alors ça, c'est le summum, tu vois, c'est le genre de truc. Je vais pas dire ce que. Hein, voilà, je vais pas en dire plus. Ah bah si, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, Et vas-y. la connasse à lunettes qui est là parce que c'est la mode, tu vois. Bon, Ouais, déjà. qui a l'air de voilà, qui a pas l'air de sucer que de la glace non plus, hein. Oui, tout à fait. Bah oui, bah, et là, donc t'as ce trio-là, et puis ça dure quoi, 40 Non mais secondes? attends, attends, attends, elles ont Quoi, quoi, quoi? envie, et quand t'écoutes ce qu'elles chantent, elles ont envie d'être des négresses. Elles ont Ah envie oui, d'être des négresses, ah quoi, oui. c'est... On avait tout à l'heure les vieilles, tu sais, les vieilles immigrants, les vieilles nègres qui allaient chercher les nègres en Ouganda. Elles, c'est même pas ça. C'est qu'elles ont carrément envie d'être des négresses, effectivement. Ouais. Bah, ils sont des sassins, hein, des sacs à sperme africains. Non mais c'est ça, en fait, en plus... chose ironie de la soirée, c'est que ce lien provient de mademoiselle.com, donc du même site Et que oui! cette fameuse Marion Séclin dont je parlais il y a 5 minutes. Voilà, Donc donc en fait, tu voilà, vois, je le savais pas que Marion féminisme... Séclin était sur cette ligne-là, mais voilà, tout fait sens maintenant. Et Donc ce le qui féminisme, est que c'est c'est. l'art de pondre des négrillons. Voilà. Mais que ces grosses connasses se rassurent, on va les laisser au noir. Hein. On va pas se battre pour elles. Hein. Voilà. D'ailleurs, Ouais, moi non. j'avais un ami qui avait cette vision intéressante du métissage pour éviter de dramatiser trop, parce que c'est vrai que à force de toutes les voir partir dans les bras des noirs, on pourrait en taper une petite dépression. Mais en réalité, ils nous débarrassent de tous ces horribles cassos qu'on Alors aurait non, pu non, scoltiner sans eux. il Et nous grâce à eux, c'est Astérix. lamentable. Enfin, j'ai même du mal à appeler ça des gonzesses, quoi. Mais ces sacs à foutre, bah vont aller se faire foutre justement Ouais. ailleurs, quoi. Il nous en Enfin, peut-être débat. ici, malheureusement, d'ailleurs. Ça serait bien qu'elles aillent directement en Afrique. Bon, elles se feront peut-être foutre ici, mais en tout cas, elles n'appartiendront plus à notre groupe ethnique et c'est tant mieux. Bah moi je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que c'est quand tu les vois là chanter en mode gospel et tout, bon, tu satures quoi, tu sens qu'en fait c'est une... Mais ça fait pitié parce qu'en fait c'est des femmes qui cherchent une identification, elles sont paumées quelque part dans une espèce de grand centre urbain, machin, et elles essayent de trouver une identité positive. Elles n'ont pas d'identité positive parce que l'identité blanche est une identité qui est connotée négativement dans les grands médias. Ce sont des grosses bourgeoises, ou en tout cas des filles de la bourgeoisie, qui essayent de pénétrer socialement dans leur milieu, donc le milieu de la musique, Enfin, le plutôt milieu... de se faire pénétrer Oui, mais ça va socialement. avec, c'est-à-dire... En fait, ça va avec, mais ça va pas avec. C'est-à-dire que il faut mimer la négritude, il faut se faire bourrer par des nègres, il faut chier des négrillons, mais en même temps, il faut rester une espèce de salope de blanche accessible... au mal dominant de la société blanche, qui est une société de bourgeois gauchistes. Donc c'est vraiment un drame pour elle. Je compatis d'une certaine façon avec ces pauvres femmes qui sont paumées. C'est-à-dire qu'elles essayent de joindre ce qui ne peut pas être joint, de concilier ce qui est inconciliable. Voilà, donc elles vont vers l'identité qui est magnifiée, qui est... Voilà, la négritude du gospel, et va savoir quoi, là, toutes ces saloperies primitives. Et de l'autre côté, en même temps, il faut quand même un peu exister, parce que tu vois, à la fin du mois, tu vois, ce qui va foutre, comment dirais-je, du beurre dans les épinards, c'est pas de remuer son cul sur du tam-tam, tu vois. Donc il faut séduire un blanc. Donc Ouais. comment exister dans le show business, tout en remuant son cul sur des trucs d'Africains? Tout en n'étant pas complètement non plus un Africain, ouais, c'est un dilemme qui est le dilemme de l'époque pour ces dégénérés, je le conçois. Ouais, fait le show business. Bon, c'est de la vidéo comme ça. Non, c'est plus que ça. C'est un groupe, etc. Et c'est symptomatique. Oui, bon, c'est un groupe. Bon, mais si on prend toutes les gonzesses féministes qui veulent ressembler à des négresses, ou celles qui se font, enfin, qui font plein de gosses avec des nègres, celui qui a à plaindre, c'est celui qui va devoir prendre en charge tout ça. C'est comme toujours le travailleur blanc, quoi, hein, qui va payer des impôts pour les allocations, voilà, de tous ces gens-là. Ces gens-là sont des inadaptés. Ils savent rien faire. Ils savent absolument rien faire. Quoi. C'est là, ces gonzesses-là, voilà, elles font leur truc, elles chantent comme des négresses, là. Ce sont des bonnes à rien. Ce sont des bonnes à rien totales. Et donc, on devrait s'en servir pour soulager la souffrance humaine au Sénégal. Ouais, par exemple. Bon, ça, pendant encore, 50 ça, ans, hein. Ça pourrait leur plaire, mais c'est insupportable C'est insupportable de devoir payer pour ces trucs-là. Moi. Quand tu payes tes impôts, tu te dis, payer pour ces déchets-là. C'est pour ça que bon. On en fait des archétypes culturels, genre c'est un apport, quoi. C'est à dormir debout. Un peuple européen qui pense que ça c'est de la culture, c'est franchement un peuple en déclin. Des gens comme ça, c'est des gens à déporter illico presto, quoi. Et illico presto. Je voudrais faire remarquer quand même la schizophrénie habituelle, hein. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont des antiracistes convaincus, mais ils sont toujours obsédés par le métissage. On est tous les mêmes, mais il faut se mélanger. Bon, c'est intéressant. C'est très intéressant. De toute façon, je pense que la logique, ils l'ont oublié, il y a belle lurette. En fait, moi, je suis sociologue de terrain à mes heures perdues, hein, vous le savez. Et j'ai fait un peu de sociologie de la panne, et donc de la panne, de la putain noire. Donc de la putain nègre. Ou nègre, pour les plus aimants. Et je crois qu'il y a trois catégories, en fait. Il y a les vieilles cougars, en gros, qui ont cru qu'on pouvait se séparer de son mari facilement, machin. Donc elles lâchent leur mari à 30 ans parce que, la passion s'érode, tout ça, les années passent, plus aucun blond veut d'elles, elles sont grosses, machin, elles ont un peu de thunes, bon, elles vont à Saint-Domingue, et puis elles se ramassent un noir. Ça, c'est la première catégorie, on la connaît bien. La deuxième catégorie, qu'on connaît bien aussi, c'est les adolescentes, enfin, et qui, parfois, adolescentes, donc ça peut se prolonger jusqu'à la trentaine, mais qui sont en fait en recherche d'attention de l'homme blanc. Et en fait, dans leur folie ultime, comme on recherche l'attention de son papa en faisant des conneries, elles recherchent l'attention de l'homme blanc en faisant ce que l'homme blanc déteste. Donc elles vont voir des noirs en se disant comme ça ils vont me regarder, voilà, vous savez, comme les adolescents qui font tout un tas de conneries pour que leur maman les regarde un peu plus. Donc ça c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les qu'on connaît aussi, ce sont les salopes, c'est-à-dire les vraiment filles du X, quoi, et qui ont vécu avec ce mythe que les noirs avaient tous un énorme mandrin, elles sont 100% vaginales, parce que vous savez, il y a les vaginales, les clitoridiennes, machin. Bon, puis elles veulent se la prendre jusqu'au milieu du ventre, quoi. Donc c'est trois types de pannes, et je pense que ça représente à peu près un tiers. Mais en gros, si les Noirs peuvent nous débarrasser de ces trois catégories-là, ça nous ira bien. Bon, sur ces entrefaites et sur la discussion sociologique, pause musicale et on se retrouve tout de suite après, chers amis. Join the Cyber Nazi Division. We'll be right back. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de démocratie participative, saison numéro 2, épisode numéro 2. On commence avec Varg Vikernes, qui est connu, je pense, de la scène identitaire, de la sphère identitaire. C'est un Norvégien, c'est quelqu'un qui réalise des vidéos sur sa chaîne YouTube Tulean Perspective de Tulé. Il a un site du même nom d'ailleurs. Il est francophone, hein, il a épousé une Française. Il vit en France. Il a été d'ailleurs, on a parlé de Manuel Valls, il a été ennuyé par Manuel Valls il y a ça quelques temps. Tout à fait gratuitement d'ailleurs, hein, c'était quelque chose exclusivement politique. C'est quelqu'un, je le dis tout de suite, que j'apprécie. Mais il a fait donc une vidéo récente qui voulait répondre à ce qui a été appelé l'ethno-nationalisme ou le nationalisme ethnique. Donc en fait le nationalisme traditionnel des Européens, ou en tout cas des Européens, on va dire, allemands, d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, qui se différencie beaucoup d'ailleurs du nationalisme britannique ou français, mais c'est un autre sujet, on n'a pas le temps d'y revenir. Dans cette vidéo, notre ami Vikernes explicite, alors le titre de la... Enfin, il a été récupéré par Égalité et Réconciliation. Donc, déjà, c'est mauvais signe. Voilà, déjà, c'est mauvais signe. Il a été traduit par Égalité et Réconciliation. Donc, cette vidéo en particulier a été jugée nécessaire d'être traduite par Égalité et Réconciliation. Elle s'intitule « L'ethno-nationalisme attire les Européens les moins intelligents ». Donc ceux qui s'intéressent à cette vidéo et ceux qui comprennent l'anglais, mais qui peuvent aussi bien évidemment lire la traduction, je vous invite à regarder cette vidéo. L'ethno-nationalisme attire les Européens les moins intelligents. Tapez ça comme tel dans votre moteur de recherche. Qui veut réagir là-dessus? Vas-y, Porovitch. Ouais, bah je trouve que c'est intéressant de la part d'un mec qui a été musicien de métal de nous parler des gens pas très intelligents. Parce que c'est un peu quand même le pendant chez les Blancs du rap, c'est-à-dire de la musique pour les abrutis. Et moi, je trouve qu'il est bien parlé pour nous en, bien placé pour nous en parler. Le métal, tu penses, toi, le métal, tu penses, c'est un truc d'abruti, quoi. Ouais, c'est un truc d'abruti, ouais, complètement. Il n'a pas peur des mots, bon, ça y est, c'est parti, des cartouches sont lancées. C'est un truc pour nous. Attendez. C'est un meurtrier, c'est ça? Non, mais attendez. Pourquoi c'est un truc d'abruti, pour lui? Ah, c'est une musique qui fait du bruit, c'est... Puis je sais pas, tu regardes les mecs qui s'y intéressent, et puis voilà, tu vois un petit peu l'anthropologie des gugus, et voilà. Je veux dire, moi, je vois un métalleux, ça me fait de la peine. Je souffre intérieurement. Bah, c'est-à-dire qu'on pourrait faire la même critique. C'est-à-dire que moi, je connais bien, parce que je suis passé par une phase, hein, voilà, les aveux du sombre passé des intervenants. Donc je suis passé par une phase clairement de métalleux et bon, c'est sûr que moi je vais pas raconter des conneries. La sociologie, la majorité du public des métalleux, déjà c'est des gens effectivement qui essayent de se trouver une virilité là-dedans dans une musique un peu agressive, etc. Et qui pour la plupart sont réellement déjà des bisounours. Très souvent très gauchiste, très conformiste. Alors évidemment, on va me dire oui, Vikernes, c'est quand même, alors c'est le black metal, il y a un côté un peu identitaire, tout ça, les forêts enneigées de je ne sais où. Mais bon, enflammées. Oui, voilà, oui, bon, il y a quand même, je vais pas donner tort à Poro, hein, il y a quand même quelque chose de très cracra là-dedans, en tout cas dans une grande partie du public du metal, il y a pas de problème. Bon. Maintenant, pour réagir sur la vidéo de Vikernes, moi, il me fait chier, quoi. C'est-à-dire que le mec se fait passer pour un... Ouais, il joue son rôle de sage dans sa forêt, là, avec Marie cachée. Hein, en Auvergne. Ah oui, non, mais d'ailleurs, bon, il faudrait qu'on sache ce qu'elle prend, hein, Marie cachée aussi, parce qu'elle est un peu spéciale. Donc il nous raconte, oui, que l'ethno-nationalisme attire les Européens les moins intelligents, en prenant l'exemple, bien sûr, des skinheads qui... Alors, il a un point, permets-moi, avant de... C'est-à-dire, pour la compréhension des auditeurs qui n'auront pas eu le temps de regarder la vidéo et qui suivent le flow de la discussion, il dit quelque chose qui n'est pas faux. C'est-à-dire, il dit, voilà, la démocratie, c'est quoi? C'est, en gros... on te donne le droit de voter à 18 ans ou à 20 ans, peu importe le pays. Et c'est tout. T'as pas de mérite particulier. On te demande juste de survivre jusqu'à 18 ans pour pouvoir exister politiquement. Et il dit, dans le nationalisme blanc, en somme, il te suffit juste d'être blanc et c'est tout. Lui, c'est ce qu'il formule. Hein. Il dit, voilà. Oui, mais sauf que c'est faux. Personne ne prend le racisme comme la seule horizon et le seul critère indépassable. Attendez, chers amis, je sais bien, mais on va laisser repartir Fred, et ensuite, pour naturellement, tu pourras faire tes observations. Oui, donc par rapport au skinhead, pour reprendre, c'est évident qu'on a des exemples de gens, et tous les skinheads ne sont pas méprisables, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie de ce mouvement, quand on les regarde, on se demande un peu s'ils se rattachent à ça pour d'autres raisons qu'ils n'ont pas d'autres points d'ancrage, en fait. Et c'est vrai que l'ethnonationalisme peut attirer des gens, c'est pas totalement faux, mais c'est une lapalissade, c'est-à-dire qu'on peut dire ça de beaucoup de choses. On peut dire ça notamment de la religion. Je veux dire, il y a énormément de gens dans les critiques qui sont faites par les anti-religieux rabbiques. Il y a le fait que voilà, beaucoup de gens qui sont pas très fins, effectivement, se rattachent à leur religion parce que voilà, il n'y a pas vraiment de critères. Il suffit d'accepter Jésus-Christ, etc. Et c'est tout. Bon. Et dans le cas de l'ethnonationalisme, c'est vrai qu'il y a des mouvements, qu'il y a des groupuscules où le seul critère qualifiant, ça peut être d'être blanc, etc. etc. Mais c'est vrai précisément parce que le nationalisme blanc, dans la période historique dans laquelle on est en position de faiblesse, c'est-à-dire que depuis la défaite de l'Allemagne nazie, ce sont des idées qui ont été attaquées à grand renfort d'argent, puissance politique, avec la force d'État partout dans les pays occidentaux. Et ce sont des mouvements qui sont sur la défensive et qui, naturellement, pour exister, souvent font baisser leurs critères d'admission. Bon. Mais ça peut se dire d'à peu près toute forme de groupement, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quelles idées politiques à peu près, et dire que il y a des débiles qui sont là juste pour telle ou telle raison et qui n'ont pas réellement, que ce sont pas vraiment des gens très intelligents qui ont beaucoup pensé à telle ou telle idée, qui ne les incarnent pas. Ça peut se dire de la droite comme de la gauche, etc. Donc c'est une lapalissade, et ça n'est pas parce qu'effectivement il y a des skinheads débiles ou d'autres untermensch qui n'ont rien à défendre dans leur vie à part des idées politiques qu'ils n'incarnent même pas. C'est pas parce que ça c'est vrai que ça disqualifie les idées du nationalisme ethnique. Ça ne les disqualifie absolument pas. Et c'est évident que en faisant ça, Vic Ernest ne fait que servir la soupe à des antiracistes à la con comme Égalité et Réconciliation. D'ailleurs, on peut adresser la même critique à des gens comme ça. C'est-à-dire que, au final, le gros des troupes de groupuscules comme ER, qui sont des antiracistes, des communistes, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qu'incarnent ces gens au quotidien? C'est-à-dire physiquement, c'est quoi? Professionnellement, c'est quoi? Intellectuellement même, c'est quoi? Globalement, c'est de la merde. Donc, je veux dire, c'est une lapalissade, c'est une attaque qui est facile, qui sert juste à disqualifier des idées parce qu'il y aurait des éléments qui n'incarnent pas ces idées, ce qui est vrai d'absolument tous les mouvements politiques, idéologiques, et on peut aller très loin avec ça. Donc, ça n'a juste... Enfin, moi, je ne vois pas la valeur que ça a, à part de jouer... Au grand sage dans la forêt qui se positionne au-dessus de la mêlée, ce à quoi aime beaucoup jouer Vic Ernest. Et pour le coup, il me donne juste le sentiment d'être un énième intellectuel branlomane chianteux qui enfonce des portes ouvertes pour ajouter une vidéo de plus à sa chaîne YouTube. Donc si Vic Ernest a la chance ou le malheur, c'est selon... de nous écouter, j'ai juste envie de lui dire, putain, mais si c'est pour nous dire des trucs comme ça, mais épargne-nous, ferme ta gueule, ça ne sert absolument à rien. Voilà, merci. Ouais, c'est un point de vue que je partagerais assez. Je partagerais assez. Enfin, il a une approche. Il cite Evola, il dit oui, il faut quelque chose de plus, mais genre. L'ethnonationalisme, c'est une espèce d'ethno-démocratisme. Au sens où on n'a pas d'exigence, voilà, t'es blanc, et ça se suffit à soi-même. Mais je sais pas où Vikernes a été chopé ça. Jamais, nulle part, et surtout dans le mouvement national-socialiste, comment dire, ici, entre nous... On n'a jamais brandi la bannière spécifiquement du national-socialisme, mais jamais le national-socialisme a dit qu'il suffisait d'être blanc pour avoir un pass pour quoi que ce soit. Enfin, c'est aberrant d'entendre un truc pareil. Quoi. Surtout c'est aberrant, c'est hallucinant d'entendre des gens comme ça nous servir cette soupe-là. Et on a Vikernes qui arrive là, et évidemment, l'araignée EER qui guette du fond de sa toile, la mouche, c'est-à-dire le gogo blanc, parce qu'évidemment, le bougnoul est raciste consubstantiellement et ne sera jamais autre chose qu'un raciste maghrébin ou arabe ou turc, et pareil pour le nègre. Donc, l'araignée ER guette au fond de sa toile le blanc qui va tomber dans cette facilité sémantique, dans cette facilité rhétorique, pour essayer de l'embobiner. Mais de grâce, Vincent Lapierre et l'autre faisant, l'autre macro de Soral, faites monter le niveau. Si vous voulez abuser du gogo, faites monter le niveau. Si c'est juste pour diaboliser des gens qui veulent défendre leur peuple, parce que nous sommes quand même dans une phase historique où l'Europe est envahie par des nègres, des bougnoules, des musulmans qui se font exploser dans les rues de France. De France. À Nice, à Paris. Qui tue des flics, qui tue des familles. Si à ce moment historique-là, vous venez nous dire qu'il ne faut pas défendre son peuple, qu'il ne faut pas avoir de conscience de ce qu'on est face à un envahisseur objectif, vous êtes simplement des voyous. Vous êtes des voyous. Et vous utilisez quelqu'un comme Vikernes, qui arrive là, bon, moi j'ai rien contre ce garçon. Il a peut-être pris trop de cachets, Vikernes. Hein. Je ne sais pas, mais il arrive et il dit oui, alors ceci, ce hasard, parce qu'il parle de son expérience, je ne la disqualifie pas. Il dit j'ai été en prison, j'ai vu ceci. Oui, mais nous sommes dans un autre pays, à un autre moment, dans un autre climat. Et c'est utilisé par d'autres gens. Et on sait qui sont ces gens. C'est des gens comme Vincent Lapierre, c'est des gens comme Alain Soral, dont on sait que leurs convictions sont des convictions communistes. Pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Donc ces gens instrumentalisent Vikernes, font des traductions des vidéos que fait Vikernes pour dire, vous savez, si vous défendez votre peuple, si vous avez une conscience identitaire, vous êtes un abruti, en fait, monsieur. Vous êtes un abruti. Vous n'avez rien compris à la subtilité de nos idées. Et c'est quoi nos idées ? Ben, c'est de ne pas avoir de PQ au Venezuela. Bon, alors, Soral, une nouvelle fois, tu nous emmerdes, tu ne sers à rien, tu es une nuisance. Retourne dans tes backrooms. Vincent Lapierre, honnêtement, à ce stade-là, moi, je ne sais pas à quoi tu sers, si ce n'est à nuire à l'Europe et au peuple européen, ou à tout le moins à la civilisation européenne. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent, une nouvelle fois, à faire savoir à ces nuisibles qu'on ne veut pas d'eux, c'est tout. Voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus ? Oui. Bon, moi, je pense que Vikernes, il était repris. Hein, c'est de la récup. C'est surtout de la récup par ER, hein, plus qu'autre chose. Oui, je ne l'accuse de rien. J'ai constaté une traduction qui a été faite par ER. Très opportune. Non, mais hein, tu l'accuses de rien, mais je veux dire, moi, je l'accuse de dire des trucs qui sont des lapalissades. Mais oui, s'en branle. Il est perché dans la forêt. On a un petit peu compris le personnage. Mais donc, en gros, il reproche aux nationalistes blancs de faire du communisme blanc. Et c'est assez marrant que ce soit repris par un site. Antiraciste à tendance communiste, quoi. C'est à tendance communiste bougnoule. Oui, communiste lourde, quoi. Oui, bougnoulique, oui, effectivement. Donc, oui, bon, au final, je sais pas, peut-être même lui, je pense, doit être assez peiné d'être repris de la sorte. Hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, ouais. Parce que ouais, Monsieur Vicarnas, on l'a surpris à faire des quenelles Dieudonné négrificatrice. Ok. Ouais, ok, ouais. Tous unis contre le Sioux. Contre les Blancs, Jacob voilà. Cohen, quoi. J'ai plusieurs choses à dire sur ce cas. C'est que, bon, déjà, comme l'a dit Fred dans l'évier, c'est absolument ridicule cette espèce de décrédibilisation par association. C'est une technique vieille comme le monde. Comme le disait dans l'évier, c'est la technique qu'utilisent tous les athées pour décrédibiliser la religion. Sauf qu'ils oublient aussi de préciser que tous les plus grands hommes sont croyants. Tous, plus grands philosophes, plus grands scientifiques, plus grands sportifs, tous croient en Dieu. Là, c'est pareil pour les Blancs. Qu'est-ce qu'il va nous dire des propos de Céline? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il était con, Céline, c'est ça? C'est un abruti aussi, le médecin génial qui a écrit des chefs-d'œuvre. Bon, donc ça, déjà, c'est acheté à la poubelle. Ensuite, le type nous dit il faut quelque chose en plus. Oui, d'accord. Une fois de plus, c'est nul et non avenu ce qu'il nous balance. D'ailleurs, c'est comme si quelqu'un, en fait, arrive sur un terrain vide. On projette de construire une baraque, le terrain, il n'y a rien sur le terrain. Un mec commence à faire le trou, à faire les fondations, à ramener des parpaings, et puis il y a un espèce d'enculeur de mouche qui vient lui dire attends, t'as pas pensé aux fenêtres, aux décorations, aux tableaux. Ce qu'il oublie de dire, c'est que tous les nationalistes ont toujours considéré que le peuple blanc était à la base du nationalisme européen. Donc évidemment qu'il faut quelque chose en plus. Il faut la base avant de voir plus haut. Oui, alors, pour réagir aussi, les nationalistes blancs un minimum sérieux sont les premiers à décrier le phénomène white trash, les skinheads débiles, etc. Je veux dire, c'est pas comme si on n'était pas au courant, quoi. Enfin bon, bref, Vicarnas, je sais pas, voilà, qu'il aille cueillir des fraises et c'est tout. Hein. Par contre, juste un tout petit truc, par rapport à la quenelle de Dieudonné, je pense qu'au moment où Vicarnas l'a fait, c'était sûrement de la merde, parce que Dieudonné disait de la merde à cette époque, mais Dieudonné est en train de prendre un virage vraiment intéressant. Je sais pas si vous avez entendu ses dernières interventions, bon, toujours dans la défense du noir, machin, mais par contre, il est vraiment sur une ligne de remigration totale. Il dit clairement qu'on ne peut pas rester en France, qu'il faut se barrer. Oui, mais le problème, tu comprends bien, c'est-à-dire que ce genre de discours n'intéresse en réalité que les Blancs qui veulent se rassurer. Pourquoi ? Parce que les Nègres, les Arabes, les Maghrébins, les Turcs, les Orientaux et toutes les autres races possibles et imaginables qui se précipitent vers l'Europe viennent en Europe précisément pour parasiter. Donc, ils savent pertinemment que chez eux, il n'y a absolument rien en termes de bénéfices, donc c'est en conscience qu'ils viennent chez nous. Donc quand quelqu'un... l'idée, c'est ça, c'est que les Blancs se disent « Oh, regardez, Dieudonné dit ceci, dit cela », ils l'expliquent, comme si c'était un problème de compréhension, un problème de logique. Attendez, les basanés qui se précipitent en Europe savent pertinemment ce qu'ils font. Ils viennent nous parasiter, ils viennent nous déposséder de nos terres, de nos femmes, de nos ressources. Ils savent exactement ce qu'ils font. C'est pas un problème de compréhension. Donc on arrête avec cette espèce de comme si c'était un problème de pédagogie, je veux dire. Mais Dieudonné n'apporte strictement rien sur le sujet, je veux dire. Dieudonné peut retourner au Cameroun ou ailleurs, peu importe, grand bien lui fasse. C'est pas ce mec-là qui va convaincre des parasites de cesser de parasiter. Dans la nature même du parasite est le parasitisme. Donc les nègres, les bougnoules et tout ce qui s'ensuit vont continuer à nous parasiter, peu importe la façon dont on leur parle. Je veux dire, je comprends le sujet, quoi. T'as pas tort si tant est qu'ils soient tous parasites et si tant est que leur nature soit intrinsèquement parasitaire. Moi, je suis pas absolument persuadé de ça. C'est-à-dire que lui, il est sur. Il tient en fait le discours que De Villiers tenait pour les élections de 95. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais De Villiers disait en gros tant que l'Afrique sera dans cet état-là. On pourra absolument rien faire contre l'immigration en dehors colossaux aux frontières, on pourra rien faire. Donc il disait aidez-nous un tout petit peu à redémarrer et on se barre. Bon, moi je pense comme toi, il y a une grosse partie de baratin, mais bon, c'est déjà un pas. Non, Bon, moi je vais. Enfin, c'est mon sentiment, mais le problème de l'Afrique, c'est les Africains. Faut arrêter de se mentir avec des baratins. Les nègres ne l'accepteront jamais pour la simple raison qu'ils sont, ils sont aussi fiers qu'ils sont incompétents et stupides. Donc les nègres ne sont capables de rien, ne seront jamais capables de rien. Tant pis pour eux, il fallait pas avoir une génétique aussi merdique que celle qu'ils ont. Bon. Donc ils n'ont jamais rien créé, malgré le fait qu'ils ont un continent énorme sous les pieds avec des richesses incommensurables. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit, même pas, et ils sont toujours en train de chialer. Oui, mais les blancs nous exploitent, etc. Putain, mais justement, c'est la démonstration que vous êtes incapables de vous emparer de votre propre pays. Vous n'avez même pas foutu de virer les blancs de votre pays. Les Asiatiques ont démontré par A plus B, les Vietnamiens, les Chinois et autres, qu'ils pouvaient repousser alors qu'ils n'avaient rien dans leur sous-sol, ils pouvaient repousser les blancs. Donc c'est la démonstration qu'ils sont incapables de quoi que ce soit. Donc je ne veux même pas entendre parler du parasitisme supposé des blancs en Afrique. De toute façon, et si ils sont pas contents, ils vont se taper les Asiatiques et ça va être une autre chanson. Quand les Chinois vont débarouler chez eux, ça va être une autre musique. Il n'y aura pas de dispensaire, il n'y aura pas de chialerie sur les droits de l'homme. Ils vont juste manger chaud. C'est tout. C'est... Point barre. Et maintenant, je veux... et passons à une autre discussion, parce que je veux dire, discuter sur les points de vue de Dieudonné, tu vois, qui est juste par ailleurs un juif nègre, je veux même pas en. Voilà. Là, c'est déjà le cas, hein. Les Chinois sont en Afrique, sauf qu'ils embauchent pas des Africains parce qu'ils disent qu'ils travaillent pas assez, alors ils font importer des travailleurs chinois. Sans déconner, les nègres sont feignants, qui l'aurait cru, quoi. Vraiment, je tombe de ma chaise, quoi. Non, mais l'idée de... Non, parce que je peux... D'accord, ce que tu dis, bon, y a pas mal d'évidence. Les Noirs sont pas très prométhéens, ça semble assez clair. Cela dit, ils ont quand même des traditions, ils ont tout un tas de choses qui, a priori, pourraient les attacher à leur pays. Sauf que, et là c'est vrai, c'est-à-dire que c'est notre prédation, mais t'as raison de dire que quand ça sera plus la nôtre, ça sera de toute façon la prédation des Chinois, ça sera la prédation d'autres peuples, donc de toute façon, un jour ou l'autre, ils vont devoir dealer avec ça. Mais le fait est que la société africaine, si on la laisse tranquille, les Africains, c'est une société ultra verticale, avec tout un tas de Mongols qui forment la tribu, et puis deux, trois mecs au-dessus du lot qui tiennent la tribu avec une main de fer. Ça fonctionnerait très bien et les Africains jamais ne penseraient à se barrer parce que justement ils ne sont pas prométhéens, donc ils ne sont pas du tout branchés sur la conquête, sur ces choses-là. On ne doit même pas rentrer dans ces considérations-là. Je veux dire, ce genre de discours ne tient pas la route. Point à la ligne. Les Africains ont un continent énorme sous les pieds. S'ils veulent être indépendants, être une grande puissance, s'ils veulent démontrer qu'ils valent quelque chose, ils ont carte blanche. Ils en sont incapables. Inauguration de Donald Trump, chers amis. Voilà, très belle inauguration. Très belles images, honnêtement, je dois bien le dire. Et quelle satisfaction. On était très peu à croire à l'élection de Donald Trump comme président de la République des États-Unis. Et enfin, on a vu l'intronisation de Donald Trump. Et c'est un, c'est une vraie satisfaction. Moi, je veux juste simplement, je pense que certains d'entre nous ont regardé l'émission en direct de cette. À mon avis, un moment historique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, juste sur l'ambiance, des détails de cette intronisation? J'ai trouvé ça très beau, perso. J'ai trouvé un Donald Trump, en fait, sans exubérance, en fait. Tout le monde attend de Trump, enfin, tous ceux qui disent du mal de lui, voilà, il va flamber, etc. J'ai trouvé quelqu'un qui était très conscient de la charge, très rentré, sans excès, et son discours très, très, très, très politique. Qui veut réagir là-dessus, sur cette inauguration ? Prêt. Ouais, effectivement, Trump est resté très très sobre lui-même. J'ai remarqué, il y avait notamment des chants religieux, évidemment le hein, juré, prêté serment sur la Bible, etc. Ce qui a été relevé d'ailleurs par BFM, c'est un scandale, voilà. Ah ouais, en bas de l'écran, ah là, le président jure sur la Bible et tout. Tant de connaître. Un président américain qui jure sur la Bible, ça, c'est jamais vu ça. Tu vois. Sur la double Bible, hein. Double Bible. Oui, voilà, voilà. Enfin bon, bref. J'ai remarqué aussi qu'il y avait, comment dire, sur les médias français, ils évitaient, alors pas tout le temps, hein, ils en ont quand même montré quelques-uns, mais ils évitaient les grands angles où on voyait la foule. Je regardais en même temps, parce que j'ai deux écrans, et je regardais en même temps, en direct, la chaîne américaine, je crois que j'étais sur Fox News ou quoi, et je regardais en même temps BFM, et effectivement, il y avait beaucoup moins de grands angles sur les chaînes françaises pour un peu minimiser le caractère populaire, etc., etc. Même si, bon, on nous reprochera qu'on dira oui, à l'élection d'Obama, il y avait beaucoup plus de gens, etc. Tout le monde était content pour le président nègre. Mais oui, enfin, c'était assez grandiose. Je voudrais aussi réagir par rapport au... C'était un public très très blanc. Ah oui, bah le public était très très blanc. Et je voulais aussi réagir, je ne sais pas si tu veux qu'on passe dessus tout de suite, mais... Vas-y. Sur le discours d'acceptation, enfin le discours d'immigration de Trump. Vas-y. Eh ben, ouais, moi j'ai relevé deux trois choses, notamment, alors il a pas parlé du mur, il a parlé de l'immigration clairement, qu'il allait falloir serrer la vis très sérieusement. Il a pas parlé du mur, donc je me pose des questions par rapport à ça. Est-ce que non, vraiment... il a dit, on défend les frontières des autres et on ne défend pas les nôtres. Oui, il y a des allusions, mais savoir comment ça va se mettre en place, voilà, il va falloir voir dans les prochains jours. Maintenant, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est clairement, il a expliqué qu'il allait lancer des programmes de grands travaux, de reconstruction, de construction nouvelle d'infrastructures. Il a apporté certains points assez précis, etc., qu'on allait se mettre à construire des routes, des autoroutes, des ponts, des tunnels, enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc j'ai noté ça, je ne sais pas exactement comment ça va s'articuler, mais il avait l'air d'annoncer clairement des programmes de grands travaux pour remettre beaucoup de gens au travail. En fait, si on regarde, c'est ça qui est assez marrant, son programme politique ressemble beaucoup à celui de Roosevelt en fait. C'est-à-dire que c'est un programme pré-crise, en fait, qui anticipe une crise. Parce que Roosevelt, c'est ça qu'il a fait. Aujourd'hui, on ne comprend pas exactement ça. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de keynésianisme, de relance, etc. Sauf que la relance n'a jamais été matérielle. De l'emprunt pour relancer l'activité économique, mais matériellement, ça n'a jamais existé en réalité. Et Trump dit ça, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, on va faire des travaux concrètement. On va véritablement rebâtir l'infrastructure des États-Unis, qui, à mon avis, en a grand besoin. Et il l'a dit, et c'est central, et c'est tellement vrai. Pourquoi financer des guerres au Moyen-Orient pour la sécurité de l'État d'Israël quand on peut effectivement rebâtir les routes aux États-Unis? Ce qui me paraît être du bon sens pur. Donc oui, ça fait partie de son discours. Il y a d'autres points, je pense, auxquels tu peux faire mention. Une déclaration de guerre, à mon avis, en bonne et due forme à l'islam radical, qui a dû... Enfin, moi, j'ai écouté le discours de Donald Trump en direct. Bon, je comprends l'anglais, ce qui m'a permis, en fait, de me passer des traductions éventuelles, parce que, évidemment, les Français, avant qu'ils traduisent, voilà... Et j'ai vu, j'étais très très surpris, parce que je m'attendais à un discours très convenu, Donald Trump a gagné l'élection présidentielle, il va remercier je sais pas quoi, etc. Et en fait, c'était un discours extrêmement combatif, extrêmement, même vindicatif. Il a dénoncé Washington, il a attaqué l'islam radical en disant qu'il allait être éradiqué de la surface de la Terre. Il a dit que le peuple américain avait été... littéralement dépossédé à tous les égards, et que cette élection était l'élection du peuple américain, pas l'élection d'un parti, mais l'élection du peuple américain. C'était un discours j'ai trouvé très national, patriotique, très politique aussi, sans concession, avec une dimension historique, au sens où il avait bien compris et bien exposé que les ennemis de l'Amérique étaient clairement identifiés. J'ai trouvé ce discours à la fois clivant, dur, populaire, et pas du tout un discours de convenance. Ça m'a étonné, honnêtement. Ça m'a étonné. Je m'attendais à autre chose. Je m'attendais vraiment à autre chose. Je ne demandais même pas de Donald Trump qu'il soit militant, quoi, à ce moment-là, quoi. Et il a été militant. Et ça m'a vraiment surpris. Et je sais pas ce que t'en penses, Fred. Je sais pas ce qu'en pensent les autres intervenants, mais j'étais vraiment, vraiment surpris. Vraiment surpris par ce discours, quoi. Qui a tranché avec le reste, quoi. Bah, il s'agit surtout de voir si ça va être une guerre à l'islam radical réelle, c'est-à-dire peut-être éventuellement en collaboration avec la Russie, avec un but réel de destruction de l'État islamique, etc. Ou si on va ramener encore, on va nous la rejouer avec des néoconservateurs, etc., etc. Et on sait très bien le résultat que ça a porté. Donc oui... guerre à l'islam radical, pourquoi pas, comment et avec qui, hein. Donc moi, j'attends de voir comment ça va se préciser dans les semaines, dans les mois qui vont venir, parce que sur ce sujet-là, j'aime quand même prendre quelques précautions. Hein. On nous a un petit peu entubés par le passé, quand même, hein, il faut le dire. Hein. Je sais pas, parce que j'ai jamais entendu clairement Bush, hein. Peut-être, mais... Enfin, je veux dire... Trump a dit durant sa campagne, voilà, il faut nommer les choses, etc. Et avec Obama juste derrière, parce que c'est ça, il dit, voilà, on va combattre l'islam radical, avec Trump qui refusait catégoriquement de nommer ça. Bon, c'est quelque chose. Il y a aussi, comment dire, le fait que, voilà, on a un président qui dit, voilà, je suis le président du peuple, je suis pas le président du Parti démocrate, tu vois. J'ai trouvé ça assez classe, honnêtement. J'ai du mal à comprendre. M'identifier, non, parce que de toute façon, je ne suis pas américain et je vote pas aux États-Unis, mais j'ai du mal à comprendre l'attitude des États-Unis, ou plus exactement de la part des États-Unis qui sont hostiles à Donald Trump. J'ai du mal à comprendre leur attitude face à un président élu. J'ai franchement l'impression que ces gens, enfin, les gens de gauche, en gros, mais ça va même au-delà de ça, parce qu'il y a les minorités raciales, ces gens ne veulent juste pas entendre parler de ce mec, quoi. Ils veulent pas entendre parler de lui. Je veux dire, il est élu, pas élu, on s'en fout, quoi. Et voilà, j'ai l'impression que... Ouais, que... On a passé une phase dans l'histoire des États-Unis qui fut une époque où on pouvait être élu président et on était respecté, et que maintenant, non. C'est fini, quoi. C'est-à-dire que, voilà, t'es élu, on n'a rien à foutre, c'est la guerre civile, quoi. Vite fait, hein, tu peux me parler de ça, Fred? J'ai vu, en tout cas, que les commentateurs sur les chaînes mainstream insistaient bien sur le fait que le discours n'était pas un discours de, comment dire, d'union, etc., mais qu'il était beaucoup plus, effectivement, diviseur que d'habitude. Et effectivement, c'est l'impression qui, à mon avis, va être répétée en boucle dans les médias mainstream, c'est-à-dire que Trump n'a pas profité de sa première déclaration pour faire un discours d'union qu'il a stigmatisé, gna gna gna, enfin bon, bref, c'est ça, quoi. Donc ça tranche, effectivement, avec les discours d'investiture précédents. Ouais, effectivement. Bon, quoi qu'il en soit, comment dirais-je, Obama avait l'air de faire la gueule. Ça a été un des meilleurs moments de la présidence Obama, c'est quand... Ah oui, d'ailleurs, il faut... Ah oui, je vais rebondir là-dessus. Pendant le discours d'investiture, Trump a vraiment détruit le bilan d'Obama et des autres qui sont venus, ouais, avant lui. Ouais. Ce qui n'est pas du tout... C'est ça, je pense, qui a particulièrement choqué les commentateurs des médias mainstream. C'est que d'habitude, ça n'est pas, c'est pas le protocole. Hein. C'est ça. Et il a profité, Trump a profité de son discours d'investiture pour vraiment incendier le bilan de ses prédécesseurs, ce qui, effectivement, clash beaucoup avec ce qui est le protocole habituel. Oui, il a dit, en gros, voilà, quand il a dit... Vous avez, enfin, en gros, quoi, vous, le peuple américain, vous avez été dépossédé par Washington qui s'en sont foutus plein les poches. Et les mecs sont assis juste à côté de lui, autour voilà. de lui, quoi. Il est en train de les défoncer, alors que les mecs sont tous là, assis autour, assistés à l'investiture, ouais. Voilà, c'est ça. Et, voilà, vous êtes fait dépouiller, vous êtes fait voler, vous avez tout perdu dans l'affaire. Ouais, c'est énorme, quoi. Effectivement. Bah, il va falloir voir ce qui va se passer. Moi, j'attends, je reste un petit peu sceptique et j'attends de voir ce qui va se dérouler. J'attends de regarder un petit peu les infos dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir. Et, parce que Trump a promis de faire beaucoup de choses pendant les premiers jours de son mandat. Donc, il va falloir être un peu vigilant et regarder ce qui sort des premiers jours de la présidence Trump. Bah là, il a déjà signé quelques trucs hein, pour son premier jour. Il a commencé à enterrer l'Obamacare, c'est ça ? Visiblement, ouais. Pour un premier jour, c'est déjà ça. Hein. Donc l'Obamacare, qui est la sécurité sociale pour les nègres, hein. Faut expliquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, les blancs payent pour la santé des nègres, qui servent à rien. Je résume hein, l'Obamacare, parce que sinon, si vous lisez Le Monde, Libération, vous comprenez rien. Ah ouais, des trucs, des détails à la con. Non. Bon, l'Obamacare, je résume, c'est les blancs bossent, les nègres foutent rien, se défoncent, les blancs payent pour leur santé jusqu'à ce qu'ils atteignent 80 ans, et pendant tout ce temps-là, ils se défoncent, ils se livrent à tous les crimes, etc. Voilà. Fred, j'ai tort ? Non ? Oui, bah, je vois aussi qu'il a... il a donné un ordre de geler toutes les nouvelles régulations aussi. Et je crois qu'il allait mettre en place une loi, je ne sais pas s'il va le faire via executive order, que pour chaque nouvelle régulation fédérale, il allait falloir en supprimer deux. Ça va être intéressant. Hein, un petit côté dégraissage de mammouth, hein, comme l'avait appelé Claude Allègre à l'époque en France. On espère qu'effectivement ça va se faire. Ah, c'est classe. Pour l'anecdote, que sur le site de la présidence américaine, ils ont supprimé les pages sur le réchauffement climatique et le biais LGBT. Ah ouais, un signal envoyé. Voilà, D'ailleurs, vous pouvez simplement suivre sur Twitter, mais j'en avais marre d'avoir le nègre Obama président des États-Unis. Maintenant, il y a président Trump. Juste président Trump, hein, sur Twitter, voilà, le président Trump. Et vous allez dessus et vous avez le président qui, voilà. Puis la page de la Maison Blanche, il y en a plein d'autres, hein, Potus. Voilà, aussi. Non, mais quand on est comme nous, enfin moi, ici on est quand même des militants Trump. On est les seuls, je crois, en France pratiquement, enfin je veux dire. Depuis juillet 2015, on est pratiquement les seuls. Ah bah en tout cas, on est les plus anciens, ça c'est certain. Ouais, on est des vétérans, on a soutenu Trump depuis un an et demi, et tout d'un coup, notre candidat, il maîtrise le Twitter de la Maison-Blanche, le Twitter de la présidence, ça nous va très très bien. Alors attendez, je vois que apparemment, hein, MSNBC et ABC, donc qui sont deux grosses chaînes de médias mainstream, aurait qualifié le discours d'inauguration de Trump d'antisémite. Alors je ne sais pas, moi je n'ai rien entendu d'antisémite personnellement, mais je me demande, il va falloir que j'aille voir. Il y avait un rabbin pour commencer, je ne sais pas. Oui, voilà, oui, ils ont quand même fait venir un rabbin, donc bon. Hein. Le rabbin donc, qui a parlé maintenant, avant le prêtre, alors donc maintenant, les discours qui sont entamés par des rabbins sont antisémites. Ouais, bah, les fake news. Les comportements pavloviens de la presse, c'est ridicule. Alors, BFM, ils m'ont fait marrer l'autre jour. Hein. Ils ont dit là, on s'attendait à ce que Donald Trump, voilà, ça s'agisse un petit peu. Mais il s'est attaqué à la tortue, là, John Lewis, dont on a parlé la dernière fois. La tortue nègre. Tortue nègre déjà. Il ouvre pas les yeux, il peut pas. Et non, il peut pas. Et donc il a dit voilà, puisque Donald Trump s'est attaqué à cet horrible nègre, il est donc impopulaire. La logique BFM TV, c'est le mec, tu dis ça comme ça, tranquille quoi. Mais les mêmes gens qui te disaient qu'il allait pas être élu, c'est les mêmes qui te disent qu'il est impopulaire. Ouais, non, mais ça n'arrêtera jamais. Ça n'a... Alors, du coup, moi, j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est-à-dire... Donc, on a un Donald Trump qui est président des États-Unis. On a des médias français qui se sont comportés, mais je veux dire, mais on a l'impression... C'est l'aile gauche du Parti démocrate. Oui, donc c'est le Parti socialiste, c'est ce que je veux dire. Parti communiste, quoi. Donc, les mecs n'acceptent pas la victoire de Donald Trump. Ils enfin, ils dégueulent tant qu'ils voudront sur Donald Trump. Et il y a eu un épisode là-dessus qui a vraiment été... Enfin, moi, ça m'a frappé. Donc, c'est une commentatrice de BFM TV, enfin, qui était invitée par des BFM TV pour discuter de l'élection de Donald Trump, du nouveau président, du 45e président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump. Et elle a dit des choses qu'il ne fallait pas. Je cite un article de presse. Personne n'était d'accord avec elle. Dixit, l'article, hein. L'auteur d'un livre sur Trump, invité sur le plateau de BFM TV pour commenter en direct l'investiture du nouveau président américain, a dû quitter le plateau après les propos tenus sur Barack Obama. Evelyne Josselin en a effectivement profité, j'aime bien le nom, pour évoquer la question de la religion aux États-Unis, mais également les préférences du président sortant dans ce domaine. L'article cite la commentatrice. Je pense qu'il était plus musulman dans son cœur que chrétien, a déclaré l'intervenante. Justement, il n'a pas voulu prononcer le terme même d'islamisme radical. Ça lui écorchait les lèvres. Mais il ne voulait pas. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans et qui auraient pu exactement. Non, quand vous êtes devant un attentat terroriste, on appelle un chat un chat. Ça ne jette pas le discrédit pour autant sur toute une population. Pourquoi ça voudrait dire que je vous ai dit, je pense que dans son cœur, il est musulman. Allez, on va changer de sujet. Voilà. En ce moment, Donald Trump et Barack Obama sont ensemble dans la Maison Blanche. Ces propos ont provoqué, Dixit l'article hein, du Huffington Post, parce que je cite le Huffington Post, ont provoqué de vives réactions sur le plateau, mais également en coulisses. Après ces déclarations, Evelyne Josselin a été conduite hors du plateau de la chaîne d'info pour avoir tenu des propos qualifiés d'inacceptable par Hervé Béroux, le directeur général de BFM TV, contacté par BuzzFeed. BuzzFeed qui est un truc juif, et exclusivement juif, qui a voulu effectivement en faire des tonnes. Derek, je veux ton commentaire là-dessus. BuzzFeed, je crois que c'est bien juif ça aussi, hein. Ouais, ben écoute, c'est non, mais ce que je veux dire, voilà, en fait, t'as une femme, t'as une commentatrice qui dit effectivement, enfin, qui interroge, parce qu'il y a deux choses qu'elle dit. Elle dit, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est quelqu'un dont on ne sait pas exactement où il est né, ce qui est vrai. Obama, on ne sait pas exactement où il est né. Alors, ceux qui nous écoutent vont se dire, mais quel est le problème? Le problème, c'est que vous ne pouvez pas être président des États-Unis si vous n'êtes pas né aux États-Unis. Or, le président américain Barack Obama, vraisemblablement, n'est jamais né aux États-Unis. Il est né ailleurs. Ouais, bon, c'est un peu tard, mais c'est 8 ans après. Bon, c'est... Oui, mais attention, c'est pas sans conséquence. C'est-à-dire que même 8 ans après. En tout cas, par rapport à la question de sa religion, etc., le fait est que Obama a refusé, sous ses deux mandats, de parler de terrorisme islamiste ou islamique, hein, peu importe. Mais chaque fois, c'était du terrorisme. Bon, on ne sait pas. Par contre, s'il y avait un truc d'extrême droite, genre Dylan Roof, là, on savait que c'était les méchants blancs. Quoi. Mais non. Non, mais on ne sait pas. Attends. Les musulmans, ça n'existait pas. Hey, Obama, son père est un Kenyan musulman. On est d'accord. Ah oui, non, mais c'est un musulman, hein, Obama. Il faut clarifier le truc. C'est-à-dire que pour ceux qui ne le savent pas, votre père est musulman, si vous, si vous faites apostasie en islam, c'est-à-dire dans lequel cas vous êtes condamné à mort. Hein, voilà, auquel cas vous êtes condamné à mort, parce que j'ai jamais entendu moi Obama dire ah, c'est génial, j'ai apostasié l'islam, j'étais condamné à mort, tu vois. On n'a jamais entendu ça, tu vois. Le type est un fils d'un père musulman, il est donc musulman, s'il n'est pas musulman, il apostasie publiquement, on l'a jamais entendu le faire, donc il est musulman. Et ce fils de pute, de nègre, de merde, a salopé les États-Unis pendant 8 ans, a déclenché le chaos complet au Moyen-Orient au profit des pires islamistes, que ce soit les frères musulmans en Afrique du Nord, que ce soit les djihadistes au Moyen-Orient en tant que tel, voilà, voilà l'héritage de ce sac à chiasse. Et voilà ce dont nous a libéré, le nouveau président, ce dont nous a libéré Trump, et je m'en félicite, mais le fait est qu'on ne sait rien de ce mec. Donc, la femme qui est intervenue sur BFM TV, en fait, elle a ramené ça sur la table. Elle a dit, mais qui est ce mec? Qui est-il? On ne sait pas. Elle a dit, tout est mis sous scellé. C'est quand même impressionnant, je veux dire. Et BFM TV l'a outé. Et là, vous sentez, en fait, l'influence de l'ambassade des États-Unis d'Amérique et l'ambassade, et le gouvernement français. C'est-à-dire que quand un commentateur sur BFM TV, une chaîne d'information continue, dit « Qui est cet homme ? D'où vient-il ? Où est-il né ? Quelles sont les informations à son sujet sur cette matière précise ?» Soudainement, on doit la virer. Non, moi je suis pas d'accord. Elle pointe le doigt exactement là où ça fait mal. Et cette femme était une militante du Parti républicain et c'est quelqu'un qui était pro-Trump. Et on voit très bien vers où vont les sympathies, non seulement du gouvernement français, non seulement de la diplomatie française, mais des médias français. Ils sont tous pro-socialistes, pro-Parti démocrate, pro-Clinton, pro-Obama. Ils sont pour tous les gens qui soutiennent cette merde internationaliste qui nous a fait tant souffrir depuis des années et des années, quoi. Et, Trump, il n'a pas un chèque en blanc. Trump n'a pas un chèque en blanc. Ils vont continuer à le harceler. Enfin bon, pour en revenir aux médias BFM TV, c'est quand même hallucinant de voir ça. Quelqu'un qui, en plus, il faut écouter les propos qu'elle tient, quoi. Je veux dire, y a rien d'extravagant. Elle dit simplement, cette personne, on ne la connaît pas. Ce dont on devrait pouvoir être au courant ou informé est censuré et placé sous scellé, c'est inacceptable. Hop, on coupe. C'est quand même hallucinant. Ah ouais, de toute façon, Obama, c'est vraiment le nègre, créé en laboratoire, par une sorte de mélange de présentation un peu métisse, plus ou moins propre pour le public blanc, et en même temps, il fallait le voir descendre les escaliers pendant la cérémonie d'inauguration avec le côté nègre, nonchalant, etc. Ouais, c'était vrai. Non, mais c'est vraiment ce truc, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, ça colle même pas, ça ne colle pas à la cérémonie. En même temps, voilà, il essaye d'envoyer des messages, de se faire bien percevoir par son public de négro dégueulasse. Ouais. Non, mais c'est juste, c'est surréaliste. Hein. Obama, c'est vrai qu'on ne sait pas trop d'où il est sorti, on ne sait pas trop où il va. Enfin, certainement qu'il va, il va continuer, je pense, à faire l'acteur, voilà, à faire caca. Tu vois, en tant qu'ancien président, il va intervenir. Avec des ONG, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais il va casser les couilles à tout le monde. Il va ramener sa tronche dégueulasse avec son côté arrogant, insupportable, et sa façon de se dandiner comme ça, comme s'il était en train de danser du jazz un petit peu tout le temps, quoi. Effectivement, Dieu merci, Trump nous en débarrasse, mais à mon avis, il risque de rester un petit peu comme ça, à nous hanter tant qu'il le pourra. Alors, on espère qu'il attrape le sida, tout en même temps, quoi. Moi, j'ai regardé, déjà, tu vois, ce type, tu vois, c'est le genre de mec qui revient dans 4 ans, candidat à la présidentielle, excuse-moi, mais il se fait réélire, quoi. Enfin, à l'exception, sauf si Trump est très bon. Enfin, constitutionnellement, il peut pas. Donc, normalement, c'est réglé. Il peut pas se représenter dans 4 ans ? Non. Tu peux être président 8 ans, c'est fini. Je pense pas que tu puisses te représenter après. Bon, bah, d'accord. Ça nous enlève une épine du pied, quoi. Mais honnêtement, il l'aurait fait. Hein. C'est le genre de mec qui l'aurait fait, quoi. Et t'as Clinton aussi qui était là dans la foule, tu vois, mais. Et combien d'autres acteurs, tu vois, ça sentait les mecs qui ne lâchaient rien, quoi. En fait, ça sentait le coup d'État, en fait. ça sentait le coup d'État. Ça sentait les types, tu vois. Ils disaient, ah, ouais, ok. Il a gagné. Ok, il a gagné, tu vois. Il a gagné selon les règles du jeu, tu vois. On va changer les règles du jeu. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Quoi, ouais, tu vois, tu voyais ça aussi, oui, sur le visage, particulièrement de Clint, les moues que faisait Clinton, etc. Ouais, ouais, ouais, tu ouais. sens que ça prépare encore de la chiasse en coulisses ouais, et tout, ouais. C'est évident. C'est pas... Ouais, ok, on a perdu. Bon, allez, je vais à la pêche maintenant. Je vais changer de carrière. Non, non, non. Ouais, ok, bon, t'as gagné cette première manche, tu vois. Et c'est franchement... Et d'ailleurs, tu vois les émeutes qu'ils ont essayé de créer. Il n'y avait personne, d'ailleurs... En termes d'émeutes, mais ils ont essayé de foutre du bordel et tout. Mais moi, j'étais même scotché de voir les chaînes qui essayaient de foutre de la focale sur le bordel. Avec des types qui pétaient des vitrines, etc. Ben, c'est ridicule. Enfin, ils ont tout fait. Le système a tout fait pour saloper l'investisseur Donald Trump. J'en reviens toujours pas, quoi. Mais bon. En tout cas, c'était une grosse erreur de communication. Parce que quand tes opposants sont juste des petits cons qui pètent des vitrines... T'as pas besoin d'amis. Hein. Ils ont rien, ils ont personne, sauf les... Enfin, il n'y a pas vraiment de narration sérieuse qui tient la route. Ils ont juste des déchets à agiter, mais quand on vient à la question vraiment dure de l'économie, ils sont obligés d'être en attente, ils sont obligés d'être dans l'expectative. Parce que là, on parle de création de jobs, de création d'entreprises, d'avoir une vraie dynamique économique. Et là, t'es obligé d'attendre que Trump, enfin, t'es obligé de l'attendre au moins sur 6 mois, un an, enfin, un an même, tu vois. Donc, même ses ennemis sont obligés d'admettre qu'ils ne peuvent pas l'attaquer frontalement sur son bilan économique avant un an. Ils peuvent pas dire deux semaines après, vous avez vu, il est zéro en termes d'économie, quoi. Et en fait, c'est là que ça va se jouer, en fait. Est-ce que Trump va être crédible en termes d'économie? Est-ce qu'il va fortifier la classe moyenne américaine, ce qu'elle attend, ou pas? Et tous les autres sont là, aux aguets, en train d'essayer de fourbir leurs armes, en alimentant des tocards, des perdants, toutes les marges possibles et imaginables que tu peux soudoyer pour foutre la zone. Et c'est les anarchistes bidons. C'est les nègres, c'est tout ce que tu veux, quoi, tu vois. Enfin, les nègres, encore, tu vois, des nègres qui veulent bien se déplacer, parce que c'est pas le cas tous les jours, quoi. Mais moi, je trouve qu'on a, on a eu une inauguration avec... Enfin, pour la première fois, honnêtement, moi, d'habitude, je me sens pas du tout intéressé par les élections américaines. Je le confesse, quoi. Et j'ai vu un président blanc... avec une femme, une épouse blanche. Chacun en pense ce qu'il veut, mais j'ai trouvé que cette femme était très élégante. Prendre le pouvoir à Washington et virer des nègres et des démocrates, mais j'ai trouvé ça, mais symboliquement, c'était vraiment beau, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? On verra, mais bah, c'était vraiment quand même... plaisant de voir toute cette merde dégager, quoi. Ce sale nègre d'Obama foutre le camp, c'était quand même un plaisir, quoi. Faut pas se payer de mots, quoi. C'était le moment qu'on attendait, c'était ça qu'on voulait. Ouais, enfin, c'est bon, quoi. Les Blancs sont de nouveau au pouvoir en Amérique, c'était enfin le moment. Bon, bah, sur cette note d'espoir, voilà, et de... de retour des Blancs au pouvoir, hein. Bon, des Blancs avec quelques petits-enfants juifs quand même, hein. Nous allons nous quitter et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, à plus les amis, salut. À plus. À plus. À plus. À plus. Yeah.